Bonjour, bienvenue et merci d'avoir passé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. Fait que ça fait assez longtemps qu'on n'ait pas été là. Ça doit faire bien, quoi, un mois et demi certain. Pas mal plus, je te dirais même. Ah, écoute, si tu le dis, moi je te crée. Parfait. Moi c'est Gilles. Et moi c'est Gaëtan Cassette. Puis c'est nous autres les frères Cassette. Puis on n'est pas tout seul en studio aujourd'hui parce qu'on a on a de la belle grande visite qui vient de très loin dans le nord. On a nommé Monsieur Poilman. Bonjour! Wouh! Je vais m'applaudir pour que ça fasse du crowd. Fait que ça risque de sonner weird au courant de l'épisode parce que malheureusement, on n'a pas les installations dites high-tech. Non, c'est ça. Il y a pas assez d'équipement dans la shed pour faire marcher tout ça. Effectivement. Fait que certaines incantations sataniques n'ont pas fonctionné puis on n'a pas été capable de tout faire avoir comme on voulait. Fait que si jamais ça sonne pas trop bien, ben tu sais, gardez vos commentaires pour vous. Ouais. Puis on s'en sac un peu pas mal parce que vous allez dealer avec ce qu'on va vous donner. Ou au pire, envoyez-les toutes à Québécois. Mange tellement de merde, c'est en site que de toute façon, tu sais. Une plainte de plus, une moins, tu sais. Surtout en période électorale. Oh boy, oui. Ça fait que, comment ça va, toi, mon cher, monsieur Lampron? Très bien, je suis très heureux de vous voir ici en territoire barriquien, numériquien. comment qu'on vous qualifie qualificativement? Dans Swamp, ouais, dans Swamp, on n'est pas dans l'étable. Ben, ça dépend, parce que là, présentement, on est dans Swamp, qui est à côté de l'étable, qui, elle, est proche de la shed, qui, elle, est proche du champ de foin. Oh, ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu tout un amalgame de plein d'affaires, mais... Puis suivant ce qu'on a fait dans la shed et dans l'étable... Elle est plus accessible. Non, on rentre plus là. C'est comme dirait Ace Ventura, là, zone sinistrée. Oh, oui. Ouais, là, le petit mouvement dans... Oh, ouais, ben, on va vous le faxer, si jamais vous voulez voir de quoi ça a l'air. Je le fais encore, d'ailleurs. Malheureusement. Swing dans le vide. On n'est pas en mouvement Rama, tu sais, c'est ça qui est bien maudit. Là. Un jour, on va avoir des hologrammes de Tupac avec l'émission, ça va être épique. Malade. Fait que tu sais, dans le fond, c'est un épisode de Raconte-moi ton coup de jouac. Fait que. Dans le fond, c'est un peu comme l'émission de José Lito Michaud, tu sais, dans le train, là. On prend chacun un skidoo. C'est ça. Ben d'accord avec ça. On ride tous un morse, tu sais. Je peux pas rien dire là-dessus. Si jamais j'en trouve un au cours de l'épisode, je le dirai. Mais en tout cas, non, mais comme le cher Gaëtan l'a dit, on va improviser parce qu'on n'a pas eu le temps de jouer à pas mal tous les mêmes jeux ensemble. Non, c'est ça, c'est un peu. On organisait ça broche à foin. Ouais. Tout le monde était prêt. Ah, on a fait un let's go, on y va, puis on jase. Fait que ça va être plus fort que tout. Tout le temps. L'amour a pris son temps, c'est ça qu'il disait là, dans la guerre des trucs. Ouais, ta chanteuse préférée qui a fait le cover là. Ben certain, man. Si vous voulez reposter le beau meme. Kathleen. Non, c'est plaisir coupable si je me souviens bien. Oublie Kathleen. Ça fait une couple de semaines que je suis plus sur les internets de job. Là. Non, mais les interwebs, là, c'est tout rendu fucké à cette heure, ce qui se passe là-dessus. Mais, fait que c'est ça, vu que c'est un concept un peu fourre-tout, un peu pot-pourri, un petit peu bilan de l'année, on a décidé de faire un genre de pot-pourri de toutes sortes d'affaires. Fait sur la table, on a de la sassice, des pretzels et du jerky de saumon. Malheureusement et ou heureusement pour vous, vous ne pouvez pas le sentir. Non, mais nous autres on peut pis c'est bon, on verra. Fait qu'on va vous dire plus tard où vous pourrez vous procurer ces fabuleux produits du terroir. Si on se rappelle où est-ce qu'on les a pris. Mettons. Et je regarde la quantité de bière qui est autour de nous, c'est un petit peu plus impressionnant que les dernières fois. J'utiliserais le terme indécent. c'est pas peu dire. Je sais pas trop par quel commencer. Le concept c'était qu'on en amène chacun une, puis il y en a parmi vous, dont pas moins, qui en ont amené deux. Ouais, mais t'as peur, moi j'ai amené un format qui était plus petit, fait qu'en quantité, ça doit être équivalent à vos gros sios à bière. Là. Ouais, c'est ça. Puis moi, je n'ai amené deux parce que tu sais, je me suis dit, je vais offrir un choix. Tu sais. Ah, ok. Fait que tu ramènes l'autre chez vous pour te saouler comme faut après. Ah, c'est sûr. Bon. Ben, par quel que ça vous tente de commencer? Moi, je dis, on y allait avec celle de M. Poilman parce que c'est l'invité. Ah, fait que c'est l'invité. Aussi bien. Fait que qu'est-ce que j'ai amené, moi, déjà? Oui, vu que c'était pour être un espèce d'épisode rétrospective, mi-d'année, qu'est-ce que le futur nous réserve, ben, j'ai amené une bière de la microbrasserie. Le naufrageur. Oui, on les aime beaucoup, les naufrageurs. En Gaspésie. Et j'ai amené une bière qui s'intitule L'étape du fort, qui est comme le bout de tout ce que t'es presque rendu, mais pas tout à fait. Parce que tu sais, t'as le fort, mais le fort, il est pas dans. Il est pas dans la mer. Lui. Ben, il est un peu dans la mer, mais ben, il est pas dans le port. Non, il est plus dans la mer qu'il est dans le port. Fait que là, t'es comme pas rendu, mais ça veut dire, dude, t'es à la bonne place pour te rendre au port. Fait que continue direct ou curve un peu, ou peu importe. Mais... Ok. C'est pas comme l'étape du parc des Laurentides, là. Ben, un peu. Tu sais, le parc de Laurentides, il dit que t'es sur le chemin. Tu sais, c'est un peu ça. Ouais, si t'es pas sur le chemin, t'es pas mal dans le champ parce qu'il y a pas mal juste un chemin dans le parc de Laurentides. Ben, c'est ça, tu sais. Yes. Fait que c'est quel genre de bière, ça, les tapis forts? C'est supposé être une saison parce qu'en anglais, il est marqué session. Ah, je pense qu'une c'est une session. C'est une bière de fin de session. c'est ça. C'est exactement. C'est les maudites grèves étudiantes, hein, là, ça leur tardait la fin de la session. Puis ben ça goûte des affaires. Ça dit fruits tropicaux. Ouais, ça goûte les fruits tropicaux, les agrumes, les épices. Puis c'est une excellente bière à savourer à tout moment de la journée. Fait qu'en te levant à 5h du matin, une bonne petite étape du fort. Là. Avant d'aller à la paire. Ben ouais. Faut bien se préparer. Je vous offre le débouche. Bon, fait que là, faut que je switch ça. Préférablement. Attention. Ah, que c'était beau. Hey, man, des écouteurs, c'était numéro 1. T'as-tu enregistré ça en Dolby 5.1? On a juste deux micros, fait que ça va être stéréo. Est-ce que je vous offre le verre du naufrageur, mon cher? Ouais, cool. Pas pire, hein? On a du budget? Non, ça glougloute pas. Ben, c'est un petit peu. Un petit peu, puis... On attend quelques glougloutes. Ça prend un crépitement. Ouais. J'ai moussé ça. Le collègue Lampron ici et moi-même avons tous les deux magasiné au même endroit pour nos bières pour cet épisode et on s'est malheureusement pas croisés à ce moment-là. L'endroit s'appelle la Maison de la Bière. C'est sur la rue de la Nodière, juste au sud de la rue Mont-Royal à Montréal. Un petit dépanneur avec plusieurs bières de microbrasserie qui, ma foi, ne sont pas tout le temps faciles à trouver ailleurs que là. On pensera à Hopera aussi. Qui ont une sale bonne IPA qui. Mais eux autres sont plus nouveaux dans la bouteille aussi, là, en général. Ils n'étaient pas là nécessairement l'année passée beaucoup. C'est ce genre d'affaire-là, ouais. C'est ça qu'ils disent. Fait que, ben, on va se lever un verre. Ben, cheers à cette retrouvaille. Ben, okay. Merci beaucoup de vous avoir invité dans votre marais. Enchanté. Okay. C'est un peu comme la mort maléfique d'un Zigoto. C'est à peu près la même. Ouais, c'est juste que nous autres. C'est pas des bonbons que tu trouves. Oh non! Puis la grenouille est pas en plastique, celle-là. Oh! Ben, elle a commencé en plastique, mais. Est-ce que dans le swamp, elle a changé à jamais? Elle est plus ce qu'elle a déjà été, cette grenouille-là non plus. La grenouille est plus ce qu'elle a déjà été. La grenouille. Fait que pendant que vous preniez votre première gorgée, je vais essayer de remplir les trous de silence avec ma voix. Et puis, pour ce faire, on va juste comme ça parler des jeux. Qui nous ont le plus, obsessés dans les derniers temps, les jeux sur lesquels on passe le plus de temps, ceux qui nous ont le plus accrochés. Puis plus tard, on va parler de nos attentes, là, des choses qu'on a beaucoup, beaucoup pas envie d'essayer et ou de jouer. Pas envie de point. Point. Point. C'est tout. Point. Fait que votre gorgée, ça ressemblait à quoi? C'est bien bon. C'est une petite bière d'été, vraiment. Là. D'été, c'est... quand même pas mal amer. Il y a un petit côté IPA sans être IPA. Ouais. C'est quand même bien agrume, mais c'est pas l'agrume du houblon, nécessairement. Non. Tu sens que c'est plus vraiment. Tu vois vraiment les écorces ou de quoi que de la bière a été brassée avec. Ouais, je suis d'accord. Effectivement. Elle a peut-être pas tout à fait assez froide, par exemple. Elle a réchauffé dans mon pack-sac voyageur. Ah, ben ça. Je pense que ça fait partie de la game. Mais ça a bien gelé quand je suis parti de coup de joie dans mon skidoo, mais. Malheureusement, ça a déjà bien vite rendu. Rendu à Laval, ça a comme réchauffé. Une traite, j'ai pas tout compris. Les ice packs, t'en as pas besoin là-bas, toi. Non, moi, c'est un iceberg. Ah. C'est sûr, un iceberg. Oui, mais dans le fond, on a même pas besoin d'un réfrigérateur. Faut juste tout crisser dehors dans la glace. Ben non, c'est fini, ça. Là. Ben, ta fenêtre, tu prends ta pinte de lait. Anecdote pour vrai, maintenant, en plein milieu de l'hiver, j'avais une bière chaude que je voulais refroidir. Fait que là, habituellement, qu'est-ce que tu fais? T'as mets dans le congélateur. Ouais. Mais le congélateur, c'est à combien de moins degrés? 10? Dehors, il faisait moins 45. Si je la mets dehors, ça va refroidir plus vite. Fait que je l'ai mis dehors. Effectivement. Est-ce que t'as calculé le temps que ça a pris pour atteindre la température idéale? Non, t'es trop pressé. Est-ce que t'es bonne d'abord? T'es bonne en tabarnouche. Good. Bon, ben, je pense qu'on peut d'ores et déjà entamer le processus du thème qui étant à casser vos jouser là. Ben, écoute, moi, je pense que le jeu que je joue depuis les... 4 derniers mois, je pense que c'est quasiment juste Binding of Isaac, genre Rebirth, non-stop. Je suis rendu à 105 heures de jeu, un petit peu trop accro, mais... On dirait bien, ouais. Ça a pas de sens, ce genre de jeu, parce que vu que c'est un roguelite, vu que c'est un jeu que justement c'est des runs qui peuvent durer entre, mettons, 20 minutes puis 45 minutes, tu peux tout le temps en faire des nouvelles, puis ça finit jamais, puis il y a tout le temps de quoi de nouveau, puis de quoi de différent, fait que... Finalement, ça finit pas. Ça finit juste pas. Tu peux avoir fini le jeu, mais tu le finis pas. Tu t'unlocks plein d'affaires, puis c'est le fun. Ça a l'air d'être un indie, là. J'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est quel genre de jeu? C'est ça, dans le fond. La façon que ça marche, c'est que t'explores une espèce de map. C'est comme un donjon, si on veut, t'sais. Puis tu te promènes, puis c'est vraiment le style visuel est un peu comme Zelda, tu sais, le premier Zelda. Okay, où est-ce que c'est top-down view, puis tu vois vraiment, tu sais, à coup d'une pièce, tu changes de pièce, puis là, la caméra bouge, tu t'en vas dans l'autre pièce, puis ainsi de suite. Puis à chaque fois que tu tues tous les ennemis dans la pièce, tu peux passer à l'autre. Fait que c'est ça, puis de la façon que ça fonctionne, c'est que ton petit bonhomme, son arme, c'est des larmes qui pitch avec ses yeux. OK. Fait que t'es tout le temps triste, t'as comme pas le choix d'être triste dans ce jeu-là. Non, mais l'histoire est super dark en plus. Est dark, là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est genre ta mère elle essaye de te tuer, fait que tu vas te cacher dans un comme dans un coffre dans le sous-sol, puis en tout cas. Boy. C'est vraiment rough. Le boss, c'est pas genre ta mère, genre. Ouais, il y a une partie. Un des boss, c'est ta mère. Fait que faut que tu battes ta mère, puis après ça, faut que tu battes son cœur, c'est vraiment rough. Ta mère. Ouais. Ta mère, 3 petits points. On dirait qu'on était en train de jouer à l'hostie de jeu. Là. On a juste mis ensemble des affaires qui n'ont pas rapport. Mais non, ça fait que là, tu trouves des power-ups qui vont soit, te donner plus de damage que tu vas faire aux ennemis ou que ça va être que tu vas tirer plus vite. Que tu vas pleurer plus vite. Ouais, que tu vas pleurer plus vite. Que tu vas te déplacer plus vite. Tu peux avoir d'autres pouvoirs par-dessus ça que tu peux utiliser comme side attack si tu veux. Pis non, il y a du stock, man. C'est intense. Pour avoir joué 105 heures, j'ai pas tout unlocké. Là. En plus. Fait que, ouais. Pis ça, c'est ça. Il y avait l'original, parce que ça, c'est la version remasterisée, si on veut. Pis l'original, Binding of Isaac, ça faisait une couple d'années que c'était sorti, pis ça avait été super populaire. Sauf que ça roulait avec Flash. Fait que c'est vraiment de la boîte. fait que c'est pour ça qu'ils ont fait comme, ouais, on va peut-être le refaire sur un nouvel engin. T'sais, ça serait peut-être une bonne idée. Fait qu'ils ont décidé de tout refaire ça. En même temps, ils se sont dit, ben, tu sais, pourquoi pas mettre comme 100 fois plus d'affaires qu'il y avait avant. Fait que c'est ça, puis c'est disponible, là moi je joue sur PC, mais c'est disponible PS4 aussi, Xbox One je pense, ça New 3DS, pas la vieille 3DS, mais la New 3DS, okay. Je pense. Contrairement à la old 3DS. Ben pas la old 3DS, la 3DS. Elle s'appelle pas la old 3DS? Non, ça s'appelle la 3DS, puis là t'as la New 3DS. Ok, puis la New 3DS U, elle existe-tu elle? Non, pas encore. Est-ce qu'elle s'en va venir? Peut-être. Je comprends plus rien. Avez-vous ça du Nintendo? T'as-tu ça Mario Bros ou Xbox? Fait que c'est ça, c'est le jeu qui m'obsède là, dernièrement. Si vous voulez, genre aller regarder sur YouTube des vidéos, ça va vous donner une idée. Puis c'est ça a pas l'air aussi addictif que ça l'est, mais tu joues une run puis t'es vendu là. Okay. Complètement vendu. Mais c'est le genre de jeu qui joue bien aussi si t'es dans un espace de bureau là, à ta job, puis t'as les heures de dîner où tu peux jouer à des jeux. Là. Ça, c'est parfait. Là. Genre, tu passes ça, tu fais une run, ça fait ton heure de dîner. Puis, peux-tu jouer sur mon téléphone cellulaire dans le train? Non. Malheureusement. Bon, je suis désolé. Laisse faire. Ben, c'est ça. Mange la boîte. On va continuer à jouer à mes Two Dots. À tes Two Dots. Pendant la Candy Crush. Non, sais-tu, j'ai un petit peu délaissé le Candy Crush, sauf quand je retourne chez mes parents, parce qu'eux autres, ils l'ont tout le temps sur leur tablette. Là. J'essaie de me taper un petit niveau ou deux. Là. T'as dit, man, t'essaieras Alpha Bear, c'est pas pire ça aussi. Alpha Bear, que c'est? C'est un jeu où t'as des lettres qui apparaissent, c'est comme une espèce de grille. Puis avec les lettres qui te sont présentées, faut que tu fasses des mots. Puis quand Alpha Betty, est-ce que c'est comme la même chose? Non, puis c'est pas comme des Alpha Getty non plus. Est-ce que ça se mange? Ça se mange pas, malheureusement. Je veux dire, tu peux essayer de manger ton téléphone, je te garantis pas que ça va bien marcher et où que ça va bien sortir. Tu sais, quand t'as besoin de... Quand t'as des reflux de gastrique, un téléphone avec l'acide de la batterie, ça peut peut-être aider. Ou empirer. C'est pour toi. Ça dépend de ton pH d'estomac. Oh shit. Ça serait un sujet pour un prochain épisode. Donc, spécial ça... batterie. Mais sinon, toi, mon cher Poelman, à quoi tu joues, là? Là, je joue à Kingdom Hearts 1. Dans le fond, je joue à la version 1.5 HD Remix Full Duper HD... Trop long les noms. C'est comme deux remixes dont on parle. Je comprends pas. C'est juste Kingdom Hearts 1 en HD. Ouais. Ah, sur PS3. Okay. Qui avait sorti un petit bout. Moi, dans le fond, je suis dans un gros mood. Je rattrape mon backlog. Ok. Puis, fait que je refais un peu des jeux, des vieux jeux. Puis, j'ai réussi à les finir. Fait que je suis content. Puis là, je suis sur Kingdom Hearts. en ce moment, un jeu que j'avais abandonné dans le temps. Ah, excuse, au nombre de fois qu'on a dit Kingdom Hearts, il faut juste le dire en français une fois, c'est le royaume du cœur. Des cœurs. Royaume des cœurs. Des cœurs. Hearts. De Disney. La, la, la, la, la. Fait que notre BA est faite. Notre BA est faite. Hein? Tiens, tiens. Vous êtes bien pour ça, la langue française. Ah ben, c'est pas qu'on est pour, c'est l'OQLF qui est sur notre dos. C'est ça, c'est le monsieur en habit, cravate. C'est lui qui check par la... Les crowbars qui cognent à la porte de la grange des fois, qui eux autres sont pas mal pour ça. Ah ouais. Qu'on swatch. Non, ça, ils sont déjà venus avec une couple de gang, là, avec des torches pis des affaires, c'était bien. Blanc, pis... Ouais, ça c'était un peu rough, par exemple. Quand ils avaient arrivé, là, on se demandait ce qui se passait. Ouais, moi, j'ai surtout eu peur du gars avec le bécherel dans les mains. Lui, il était particulièrement spécial. Un bécherel en feu? Ah, écoute, là, le feu était noir, c'était tellement evil, là. Il pitchait des pages de conjugaison. Ah, ça avait pas de bon. Mais non, ils savent pas de quoi qu'ils parlent. Les autres, tu sais, le petit Robert au lieu du Larousse. Pff. Ouais. Ils sont fous. C'est deux écoles de pensée. Non, là, c'est ça. Ça fit pas avec nous autres. Si tu disais le Larousse, ils tiraient pas sur notre dos. Ouais. Puis nous autres, on en a des Larousse ici. Fait que s'ils veulent commencer une guerre de langue, là, watch out, parce que... On passe ça live, là. Avec les Larousse durant. J'ai pas arrêté de dire des mots en anglais pendant ma défense contre le français. C'est un peu... C'est pas grave, ça. Je me sens inutile. Je vais te laisser poursuivre ton histoire de Kingdom Cœur. King of Cœur. qui est le fameux jeu de rôle, le JRPG. JRPG. Squeenix. On peut dire Squeenix, ça a l'air. Ouais, mais c'était Square... non, c'est Squaresoft dans le temps. C'était-tu Squaresoft? Je pense que c'était Squaresoft pour le premier, puis Square Enix pour le deuxième. C'est pas impossible. Écoute, ça fait un bout, là. Bref. Ouais, c'est ça. On va envoyer à Jument vérifier ça sur Wikipedia. Puis, tu risques de pas avoir de résultats rapides. Non, c'est pas grave, je suis pas pressé. Puis c'est ça, donc c'est les mélanges entre les personnages de Final Fantasy et de Disney, plus des nouveaux personnages pour cette histoire-là. Grosso modo, on se promène dans les mondes de Disney pour les libérer du mal, parce qu'il y a des méchants de Disney et de d'autres. Bref. Ah, comme Cruella de Vil est là, là. Cruella est là. Ouais, Cruella est là, c'est pas mal la méchante principale. OK. Non, Cruella, c'est les 101 Dalmatiens. Ouais, elle est pas là, me semble. Hey, je connais tellement pas mon jeu. Je pense que c'est 101 Dalmatiens. Là, faudrait genre check, mais je suis pour sûr qu'il me semble dans le deuxième jeu, fait que t'es collectionnes les Dalmatiens. Fait dans le premier. Dans le premier, ok, c'est ça. Fait que je sais que c'était quand même une partie du jeu, mais il me semble que Cruella est jamais là. Me semble. C'est pas Cruella, je me mélange avec Maleficine. Maleficine. Maleficine, mais en français. Ah, j'ai aucune idée, c'est quoi son nom en français. Maleficience. On sait-tu c'est quoi vraiment son nom en français? C'est dans un autre film que le film avec Angelina Jolie. Ben c'est oui, la méchante de Cendrillon. Non, c'est la Belle au bois dormant. Belle au bois dormant. Hey, okay. Moi, de toute façon, là, j'ai ça pour mourir, Disney. C'est pour ça que je suis mélangé. Mais je joue pareil. Pourquoi je joue-tu à cœur d'homme de cœur? cœur de lui. parce que un, je sais que c'est un gros classique quand même des JRPG. Okay. Le 3 s'en vient, il y a un hype autour de ça. Puis c'est vrai. Il a été annoncé au E3 cette année. Ben, il a été annoncé il y a quelques E3, mais là, ils ont sorti du gameplay. Okay. Parce que les autres, l'année passée, c'était juste un teaser. Il n'y avait presque rien. Là. C'était tout du pre-rendered à peu près. C'est juste le nom du jeu qui apparaissait à l'écran. Là, puis comme. Non, mais tu sais, t'avais du fake gameplay finalement. T'avais comme des cinématiques. Ouais, c'est ça. Mais en moteur graphique, là, fait que tu avais une idée un peu que ça va ressembler, mais c'était pas des scènes de gameplay de combat. Voilà. Ce qui était le cas là au E3 de cette année, ouais. On est en 2015. Ouais. D'un coup, que quelqu'un écoute ça en 2020, barrique numérique, on parle du E3 2015. Et slash ou quelqu'un qui serait revenu dans le temps et nous écoute en 1903. C'est pas encore arrivé, fait que... On s'excuse. Mais si jamais c'est le cas, là, allez voir Nikola Tesla puis Didi qui fait de la bien belle job puis il faudrait que lui continue. Non, c'est ça. Se pas. Si jamais vous entendez parler d'un gars qui s'appelle Marconi, là, non, il est pas fin lui. Ok, c'est bon. Puis il est italien, fait qu'il est doublement pas fin. Hey, c'est quoi ça? C'est raciste tout d'un coup? Là? On devient un show à caractère racial? Non, mais on s'adressait à la personne de 1903. À cette époque-là, c'est ça fait du sens. Voilà. Tu sais quand je t'ai rendu? Fait Kingdom Hearts, ouais, fait que tu joues en fonction du troisième qui a été annoncé. Ouais, ouais, c'est démontré. Ça. Puis le gameplay avait l'air fou malade dans la tête si jamais vous voulez regarder ça. C'est, ouais. Ça a l'air quand même ouais, cool. J'avais vu, c'est bon. Puis je sais que c'est un gros classique. Fait que je me suis dit, je l'ai abandonné dans le temps, je vais le recommencer, je vais essayer de le finir parce que je suis motivé à le finir. Puis j'ai compris pourquoi je l'avais lâché la première fois. Ah. Mais là, j'ai pas abandonné. C'est bon. Que je continue, j'en suis à peu près à 10 heures. Hashtag persévérance. Persévérance, ouais. Yes, on ne peut pas confondre avec le hashtag persécution. Ça, c'est. C'est le contraire. Ça, c'est Manolo qui peut le faire et seulement lui. Non. on peut le dire nous autres si ça nous tente. Ouais, mais il serait pas content. On a juste aucune caméra à regarder, fait que ça perd un peu de son impact. Ouais, non, mais on peut vraiment fixer du regard le micro dans lequel on parle. D'un coup, que ça réussisse à transpercer le mur du son. Là. Mais non, ça, pour revenir à Kingdom Hearts, tu sais, moi, j'avais joué au premier Back in the Days, puis tu sais, je le trouvais bon, mais c'est vraiment le deuxième qui vaut vraiment la peine. Le premier est correct, là, c'est un bon jeu, mais le deuxième est comme juste monté d'une coche, tu sais. Mais ça reste... les contrôles sont un peu floaty. C'est pas super précis, fait que souvent c'est fatigant. C'est ça qui me tue un peu, parce qu'ils ont décidé de faire un action RPG, c'est super cool. C'est quand même bien fait pour ça, mais les contrôles... Tu fais du platforming aussi dans le jeu, puis les contrôles sont juste... marde. C'est dans le premier que t'as Tarzan? Oui. C'est comme le stage le plus chiant. Moi, justement, je me suis rappelé que ce bout-là, j'avais pas mal abandonné dans ce coin-là. Mais... T'étais pas obligé de sauter, il fallait juste que tu pèses sur X. Ah, ça se peut. Puis c'est comme pas clair. Fait que là, tu perds à peu près comme 8 heures de ta vie à essayer de sauter sur la crise de liane. Là, tu passes tout droit. Finalement, non, faut pas que tu jumpes. Là. C'est pas vraiment ça le platforming. Faut juste que tu pèses sur X pour comme t'accrocher tout seul. Ouais. Puis tu sais pas où aller. Puis finalement, le chemin est dans ton dos au début. Ouais. C'est un petit peu pas plaisant là-dessus. Non, aucune raison. Ça, c'est vrai. Mais je te dis, persévère ne serait-ce que pour jouer aux deux. Puis après ça, c'est pas ton idée. Le 2, je me rappelle d'avoir vraiment plus trippé. Il est long à partir. Par exemple, je pense que ça prend quand même 3 heures avant que l'histoire s'installe. Ah. Mais un coup c'est fait, ça vaut vraiment la peine. Puis si t'as la chance dans 1 de faire tout aussi les combats dans l'arène, là, c'est assez le fun. C'est tough. Là. Genre, c'est là que t'as comme la fameuse fight contre Sephiroth. Ah ouais. Puis c'est comme un des boss les plus durs du jeu. mais c'est cool à faire. C'est des petits challenges. J'ai quasiment eu mieux faire les side quests de même que de faire le main story. C'était bien cool. Puis c'est tous des combats qui se passent comme dans l'arène d'Hercule. Là. Fait que t'as comme un paquet de boss de même qui arrive. Puis faut que t'es battes. Mais Sephiroth, il est comme trop fort pour la ligue. Fait que c'est... Est-ce qu'ils refont le combat de Captain Kirk et M. Spock? Non, malheureusement. Juste avec le reptile. Non, c'est ça. Ben, c'est déjà ça. Malheureusement, il n'y avait pas de glaive pour se battre non plus. Fait que c'était... Non, c'est... Je pensais que ça mélangeait plein d'univers, ce jeu-là. Non. Finalement, ce n'est que des balivernes. Non, c'est ça. Il n'y a pas, y a pas de trucs de Star Trek, malheureusement. C'est... Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, semblerait-il qu'on vient de finir notre verre. On n'a pas fait de gorgée du milieu avec la bière, mais... Ben, mais je pense qu'on peut y aller. Mettons, on y va avec les autres. Puis s'il en reste, on fera une deuxième ronde. Plus qu'à rafraîchissant, ça ferait un bon dessert en même temps. Mais oui, tu as tout à fait raison, Yannick, la gorgée du milieu. Un peu IPA comme tu disais, mais parce que ça n'en est pas une, c'est vraiment là cette espèce de mélange d'agrumes et comme tu dis d'écorce qui un petit côté fumé, mais je me demande si c'est pas à cause du jerky. Non, je pense que je suis sûr que c'est le jerky. Moi. Ouais. Ça aurait pris mettons un grain de café dans la gueule pour canceller et neutraliser tout ça. Là. Mais non, je la trouve bonne, tu sais, c'est pas une bière à tout casser, mais tu sais, c'est genre de petite bière de terrasse tranquille, tu bois ça, ça passe bien. Puis, parce que tu peux quand même faire un bon 5 à 7 avec ça, c'est 3,5 degrés d'alcool. Ouais, c'est ça. Ben, les sessions d'habitude, c'est assez faible en alcool. Généralement, ouais. Fait que ça vaut à peine pour ça. Mais celle-ci, effectivement, quelque chose à consommer avec un peu de soleil d'en face. Ouais. Le soleil de minuit, dans ton cas à toi, des fois, j'imagine? Oui, je vais dire oui pour la beauté de la chose. Pas que la rigueur. Non, c'est ça. Fait que, écoute, on va y aller avec ça. On va y aller avec ça. Hey, tu y vas avec des gros canons, toi, là? Ouais, fait que moi, la mienne que j'ai apportée, c'est le cœur noir de Bose, qui est une Black IPA, qui est quand même à 7,1%, donc elle risque de fesser mais plus. Mais c'est divisé par 3, fait que c'est quand même pas si non, non, c'est ça, faut voir ça de même. Oui, mathématiques, je connais ça. Fait que, tu sais, si ça vous intéresse, le numéro de l'eau est le 4130. Ça a été embouteillé le 12 février, fait qu'elle va peut-être avoir des motons dedans. Sinon, je pense que ça devrait être pas si pire, ça. D'accord. Toute qu'une fiche technique ici. Ben écoute, moi, je fais ça en grand. On voit qu'il y a encore de la misère avec son petit porte-clés. Ouais, mais il fait même pas un pouce de large, qu'est-ce que je te dis. Ben, tu sais, un débouche que ça te prend deux coups de débouche à un moment donné, faut que t'aies un plus gros débouche. Ouais, mais il fit sur mon porte-clés, lui. Ah, t'as juste à traîner un briquet. Moi, briquet? Ah ouais, avec un briquet, je peux t'ouvrir une bière demain. T'as la technique? Ouais, j'ai passé beaucoup de temps en voyage. Moi, je suis capable avec une souffleuse. Avec... Oh shit! Oui, j'ai appris ça. Avec une souffle. C'est quoi, est-ce que tu. Tu repasses au tamis après, là, un petit peu de verre dans, ton, dans ta bouteille. Ouais, mais... je sais pas. C'est, mais ça marche ça bien. Ça peut laisser des petits grumeaux. Un peu. Ça? Mais ça va vraiment bien, ouvrir une bouteille. C'est efficace. Déjà, je sens le genre de chocolat café là, qui monte. Feeling que je vais pogner tous les bons bouts de lever dans le fond. Ben écoute, je te souhaite santé. Puis, ben donc, cheers again. Fait que là, on a une bière qui est beaucoup plus foncée, d'où son nom. Ben, une Black IPA. Ouais, voilà. C'est ça. Fait qu'on on passe d'une fausse IPA à une Black IPA. On est tout le temps un petit peu genre à côté de la traque. Mais, comme quand je l'ai déjà bu dans le passé. Elle est excellente. Shit. Elle est encore... Moi, ça, c'est dans le top 5 de mes bières, aisément pour moi. Puis c'est ma Black IPA préférée. Là. C'est... Non, impressionnant. C'est, ouais, c'est vraiment comme un mélange de IPA puis de stout au niveau du goût. Là. Vraiment. Ça va chercher les deux. C'est super bien réussi. Ouais, ouais. J'avais goûté des IPA avant, mais il n'y avait pas le côté stout aussi bon puis aussi comme rond avec le céréal. Ouais, c'est ça, exact. Fait que t'as l'amertume qui te rentre dedans au début, puis après ça finit un petit chocolat. Là, ouais, ça, c'est chocolat, café. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment. Petit côté feutré sur la langue. Il y a pas de cerise aussi, hein, quand t'as sniff. Ouais, ouais, ouais. Colin, hein? Hey, c'est-tu le fun, le monde de la bière? Non, mais il s'en le vin, c'est super suprême. C'est le fancy, le vin. Pis tout. Hey, regardez les beaux mots qu'on a dit puis les belles saveurs juste dans une grosse sacrifice. Es-tu capable de dire ça de ta bouteille à 15 000 piastres? On peut le dire, mais ça sera pas vrai. Non, c'est ça. Bon, ça veut pas dire que c'est vrai, nous autres aussi. Peut-être qu'on fait semblant puis on boit de la Labatt 50. Non, c'est dans le fond, on vous bullshit depuis le début. On boit juste de la Pabst parce qu'on est trop cheap. Là. Comme toutes les critiques qu'on a faites, c'était de la merde. Là. C'était vraiment n'importe quoi. Mais je dois dire qu'on était quand même assez bien préparés parce qu'on disait quand même des vraies affaires sur les fausses bières qu'on non, c'est ça. Pas mais tu sais, on a fait de la recherche quand même. Ouais, mais... ouais. C'est pour ça que les bouts de jeux vidéo, c'est tout le temps un peu schnout parce qu'on passe beaucoup trop de recherches à trouver les bières puis les bons pedigrees à vous bullshit. Exact, exact. C'est juste la deuxième. Ouais, exact. Fait que toi, à quoi tu joues, mon Gilles? Moi, man, j'ai passé une quantité incommensurable de temps, soi-disant le temps libre qu'il me reste, à jouer à Destiny. Ben? Oui, à Destiny. T'es un de ceux-là, toi. Je suis un de ceux-là, et je dois dire que hier, aux alentours de 4h du matin, dans un état d'intoxication assez avancé, je me suis relancé dans une autre partie de Destiny. Ah. Et je pense que c'est là que j'ai compris à quel point j'aimais pas ça. Je m'explique. Ce que vous avez entendu sur Destiny, c'est vrai, là. Il y a fuck all l'histoire. Ouais. Je pense qu'il y en a quand même plus que dans Watch Dogs, mais peut-être que je me brûle. Peut-être. Toujours est-il. C'est moi qui l'ai dit. Non, toujours est-il que. C'est ça. C'est un first-person shooter. Ça se passe dans le futur avancé. Puis, tu sais, t'as comme des êtres humains survivants sur la planète Terre. Les extraterrestres sont arrivés. Puis, il y a le Traveler qu'on a aucune fuck-all idée c'est quoi cette affaire-là. L'espèce de grosse sphère blanche qui fait juste là, flotter au-dessus de la planète Terre. Le gameplay, c'est comme Halo. Puis c'est probablement ça, là, la... Hop là! Une chance qu'elle débile! Une chance qu'elle débile! Non, c'est ça, c'est... Ça fait très Halo comme jeu, puis ayant beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Halo 1 au vieux Xbox, je passe un énorme de bon temps à jouer à Destiny parce que les combats de guns sont rapides, c'est snappy, puis c'est super le fun. Puis c'est ça, tu te promènes de planète en planète, tu fais tes missions, puis c'est bien le fun, puis tout ça, mais t'as pas l'air de vraiment savoir pourquoi tu fais ça. Mais il y a bien des jeux qui sont de même, hein, parce que tu fais de quoi, t'as du fun, puis à un moment donné, tu réalises, oh, mais pourquoi? Ouais. Tu sais, comme on dirait que t'as comme un mur que tu fais à un moment donné, genre. Ouais, mais ça mène à quoi, ça? Ouais. Et le jeu nécessite absolument une connexion réseau pour pouvoir jouer en ligne. T'as pas le choix parce que, bon, tu vas... Oh, vas-y! Ouais! Non, mais attends, petit peu. Ben, pourtant, il y en a une belle console Destiny à vendre à coup de jouac blanche, là. Mm-hmm. Toutes les kits, là, mais c'est ça. Mais ça, non, ça se passe pas. Non, ça se trace pas de marché. Mais bonne question. Fait que, tu sais, imagine le pauvre petit Inuit qui achète son Destiny, qui arrive chez eux, puis la connexion est trop marde pour jouer. Ouais, peut-être. Mais je sais pas à quel point ça prend une bonne connexion, parce que t'es quand même capable de jouer un peu tout seul. Tu peux faire ton loner, puis t'es. Ouais, mais je pense que du moment que tu risques de pigner trop longtemps sur le serveur, doit faire comme OK, on te kick out, puis tu reviendras quand ta connexion va être meilleure. Forcément, ouais. Mais c'est ça l'affaire. Se connecter sur les serveurs, jouer à Destiny, ça implique une grosse partie de co-op online et ou de PVP. Chose que je ne faisais pas avant Destiny, tu sais, j'ai jamais vraiment été un online gamer. Et Destiny m'a ouvert la porte, je me suis dit, faut bien que je l'essaie pour savoir de quoi je parle. Évidemment. Elle l'est faite. Fait que là, si tu comprends ça, là, ça te prend ta TV pour jouer à Destiny, ça te prend ta console, ça prend ta connexion Internet, ça prend le jeu. Après ça, ça te prend... Hein? L'abonnement au jeu, faut-tu? Ben ça, l'affaire, il faut que tu aies PS Plus si tu veux avoir accès à des affaires comme le Crucible. Puis c'est là-dedans que vraiment là, l'aspect compétitif de la chose embarque. Mais là, t'as quand même rien qu'un demi-jeu. On te vend deux DLC plus une autre affaire. Ça commence à faire beaucoup de bidou pour pouvoir jouer l'expérience complète. T'es comme mieux d'attendre que l'édition complète avec l'expansion sorte puis que tu te fasses comme moins chier. C'est ce que je pense. Puis la raison pour laquelle je trouve ça plate... C'est que c'est vraiment rendu ça, c'est juste du pareil au même. Puis t'as bien beau, parce que là, dans le fond, quand tu complètes un match en ligne, on te donne des récompenses, et tout ça, c'est aléatoire. Fait que là, toi, là, t'as eu ta première bonne game en ligne, là, t'as fait plein de kills, tu t'es pas fait tuer ben souvent, t'as eu une bonne partie, ton équipe a été victorieuse, t'es deuxième sur 6 là, au niveau des kills, puis tout ça, puis t'as fuck all comme récompense. C'est un peu injuste, à mon avis. Puis à cause de ça, là, tranquillement, pas vite, s'est installé en moi cette espèce de sentiment-là de je me suis fait berner bien raide par ce jeu-là. C'est beau, c'est le fun. Tu sais, pour du first-person shooting running, ok, ça marche. C'est tout, ça fait, comme dirait l'autre, ça fait la job. C'est comme ben Marcel ça, Lebeuf, fait la job. Ça, écoute, ça a fait la job jusqu'à 4h à matin, là. Ben... Puis là, si je retourne tantôt, c'est probablement parce que je suis comme un petit gars piteux là, qui veut revoir la blonde qui a là, c'est pas super en plus parce que là, le jeu il se vend plus full price. Fait que je pense qu'à Star Destiny, tu peux le trouver à comme 25-30$ facilement. Ben, je l'ai acheté usagé quand même, ben, après jouer. Fait que déjà là, je pense que j'ai fait un pop-in. Non, bon c'est coup. Ça. Là, je pense que c'est Best Buy qui a une promo là en ce moment, ça va comme dater l'émission. Mais. 2015. La PS4, le bundle Batman avec Infamous, Second Son, puis un choix de d'un des quatre jeux en téléchargement. Fait que t'as genre soit Little Big Planet, Destiny, NBA 2K15, puis un autre jeu que je me rappelle plus. C'est quand même un pas pire. C'est un Christy de bon bundle. L'affaire, c'est que c'est quand même 500$. Ça. Mais c'est le prix que la console coûtait. Ben en fait, c'est le prix du bundle Batman tout seul. Sauf que là, t'as Infamous pis un autre jeu. Fait que si t'achètes ce bundle-là, t'as en tout 4 jeux, parce que le bundle de Batman a aussi Last of Us. Fait que... Ça m'en est, ça finit par piler, là. Effectivement. Attends, Last of Us, Batman, Infamous Second Son pis Destiny. Fait que... Quand même. C'est un bon bundle. Mais ça dure juste 24 heures. Fait qu'allez-y. Ok, go. Là. Quand vous serez revenu, vous continuerez à écouter l'épisode? Ben, s'il vous plaît. On aimerait ça comme pas parler dans le vide pendant une autre demi-heure. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, l'affaire avec Destiny, c'est que vu que ça m'a plus ou moins forcé à me procurer le PS Plus, j'ai maintenant accès à des jeux gratuits à tous les mois. Ben, y'a ça. On va remercier ça, parce que sans ça, j'aurais pas eu Guacamelee. Entre autres. On est allé chercher aussi Planet Side 2, que j'ai pas encore essayé apparemment, un pas pire shooter online. Ouais, mais je l'avais joué spacé un peu, c'est correct, là, c'est pas hallucinant, mais c'est le genre de petit jeu que tu joues une fois de temps en temps, t'as ton fun, pis ça finit là. Uh-huh. Tu jouerais pas des heures et des heures sans m'arrêter, mais... Puis là, vu qu'on vient d'entamer le mois d'août, il y a Limbo, qui est gratuit sur le PS. Qui est très bon. Qui est très bon. Fait c'est un petit jeu de 2-3 heures max, mais pour le 2-3 heures que c'est, ça vaut à peine. Mais voilà, fait que toujours est-il que... Si on paye ça dans la balance, là, Destiny, il y a du agrément puis du désagrément, mais dans l'agrément, ça va emporter d'autres agréments que les jeux gratuits sur le PS Plus. Fait que tu dépenses, c'est quoi, c'est 50$ par année, là? Ouais, à peu près. Puis déjà, après 2 mois, t'as 2 jeux gratuits. Moi, je pense qu'on rentre dans son argent. Quand même. Assurez-vous, par contre, d'avoir une connexion Internet qui vous permet d'avoir beaucoup de data. Parce que sinon, tu pleures. Oh, que oui. Je pleure. Parlant de pleurer, ça, c'est une affaire que j'ai comme un peu compris. Quand il y a une mise à jour du app Netflix sur ma PlayStation 4, malheureusement, ma console semble ne plus vouloir vivre. Et la petite lumière se met à clignoter là, sans cesse. Mais là, je pourrais pas te dire, j'ai pas de PS4 chez nous. On va fait un appel à tous si vous avez entendu parler de tout ça ou si vous connaissez une solution pour corriger le problème. Faites-nous en part sur le Twitter. C'est de la faute à Netflix. Non. Du Netflix. Moi, j'allais dire Skynet, mais c'est. Regarde, Sky Netflix. C'est comme. C'est de même, ça commence. Ouais. Ouais. Fait que. Milieu pour. Oh, regardez cette, du milieu. Eh boy, elle se calera pas celle-là vraiment. Non, ben elle se déguste vraiment bien. Ouais, ça, elle se déguste bien, mais c'est pas une bière de calage, ben. Non, non, non, mais c'est une bière qui est très ronde en bouche. Ce que j'aime, c'est ça, le mélange de goût, mais avec la texture au toucher. Ben, de ma langue, là, pas au niveau de mon doigt, parce que pas ton doigt dans ton verre, ça sert un petit peu. Ben, tu peux, mais c'est ben, juste. Tu pourrais, moins mais c'est pas. Pas la broue. Ah, non, mais tu veux pas faire du courant tout dans ta bière avant de la boire? Je sais pas. Tu sais, comme quand on faisait dans la piscine quand on était jeune, ouais, de faire du courant, mais tu vas même faire, mais dans ton verre. Tu la bois à contresens, plus de saveur. C'est comme un tsunami de bière. C'est bon, on devrait vendre ça, nous autres, là, des canettes qui font du courant dans ta bière. Ça va être comme le step-up de la canette ventilée de Coors. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais attention, Coors, parce que c'est notre idée. On l'a dit en premier. Je pense qu'il faudrait aller copyrighter ça tout de suite. Là. Faudrait. On attend-tu, la bière est bonne. J'ai pas envie qu'elle réchauffe. Ouais, bon point, bon point. Alright. Fait que c'est pas mal ça, les obsessions, les derniers gros jeux. Mais est-ce qu'il y a un autre jeu auquel que vous jouez? Parce que moi, je fais une parenthèse, j'ai commencé Dying Light. Ah. C'est un autre jeu que j'aime pas beaucoup. Finalement, tu joues à bien des jeux que t'aimes pas. Fait que il faut les essayer. Tu ne serais jamais. Mais je veux dire, en comparaison avec Dead Island, qui sont ouais, très similaires, puis je pense que c'est même les mêmes équipes là, qui ont travaillé là-dessus. Que oui. C'est un jeu qui Je me sens boulié par le jeu parce que c'est dur. Tu sais, là, c'est ça, là. Tu marches, puis il y a vraiment personne autour de toi, puis là, tout d'un coup, il y a un zombie dans ton dos. Il a été spawné là volontairement pour te faire chier. Ouais. Ça, sont pas faciles à tuer. Les contrôles de parcours, malgré que c'est très intéressant de pouvoir courir rapidement, sauter de toit en toit, de s'agripper sur des petits murets, faire des moves acrobatiques, puis tout, c'est pas super précis. T'sais. On pense qu'on a pesé sur le piton de saut, mais finalement, au lieu de sauter, on tombe dans le trou. T'sais. Fait que c'est ça. Il y a du plaisir à avoir quand même, parce que le skill tree est séparé en trois. Fait que tout ce qu'on fait de combat va upgrader l'arbre du combat. Ouais. Tout ce qu'on fait en termes de parcours va upgrader l'arbre de parcours. Et tout ce qu'on fait en mission upgrade l'arbre de la survie. Fait que plus d'énergie, ce genre d'affaires-là. C'est tes affaires-là. Fait que vu qu'on a séparé les trois arbres de cette manière-là, je trouve que c'est intéressant parce que ça va vraiment forcer le joueur à explorer chacune de ces avenues-là pour devenir plus fort. Le jour et la nuit aussi, qui sont deux modes bien différents. La nuit, il y a comme des bébites qui courent plus vite, qui sont plus fortes. Qu'il faut se sauver d'eux, nécessairement, parce qu'on n'a pas l'air d'être capable de les tuer. Évidemment. Puis là, c'est ça, là, un peu comme à la GTA, tu sais, là, les icônes sont dans la minimap, t'es dans une poursuite, fait que là, faut que tu tournes un coin sec, puis que la bébite t'aille pas vue, puis tout. Non, il y a des bonnes affaires à faire. Ouais. Ça a l'air bon, selon comment tu ouais, décris ça. C'est ça l'affaire. Je pense que mon problème, c'est au niveau de l'adaptation avec les contrôles. Je dois moi-même m'habituer et accepter que c'est comme ça que ça se joue. Et ouais, peut-être qu'après, je vais passer un bon moment. Dans le fond, c'est toi le problème. C'est que t'es pas capable d'accepter un changement. C'est toujours moi le problème. C'est toujours moi le problème. Y a aucun doute qui se fait là-dessus. Non, ça c'est sûr. Genre. Il y a okay, autre chose d'abord. Ouais, toi, t'as-tu ben, joué à d'autres moi, choses? Sinon, comme je disais, j'étais bien fier de vider mon backlog tranquillement, pas vite. Fait que j'ai réussi à finir Child of Light, que j'avais pas fini dans le temps. Que j'avais dit que c'était mon jeu de l'année, mais je l'avais pas fini. Pas grave quand ça laisse une bonne impression, tu sais. C'est ça. J'ai réussi à le finir. C'est supposé durer 15 heures, genre. J'ai l'impression que ça m'en a duré 60. Je sais pas ce qui s'est passé. Ben, je pense qu'il y a quand même... Il y a pas de compteur. Au PS3, tu sais pas le temps que t'as fait. Ah, nulle c'est part. Vrai. Fait que là, mais partout ils disent que c'est à peu près 10-15 heures. Fait que je suppose que j'ai fait ça, mais ça m'a paru long. Je sais pas pourquoi. À moins qu'il y ait des side quests et qu'ils ne considéraient pas ça là-dedans. Un peu, mais ils sont à peine longs. En tout cas, ouais, j'ai fini le jeu à 100%. J'étais bien fier pour mes trophées. Yeah. Puis sinon, j'ai réussi à terminer Chrono Trigger, que j'avais jamais fait de ma vie. J'ai fait la version ODS qui est vraiment excellente. Ouais, ouais, ouais. C'est pas la meilleure version. Le port ODS est parfait. Ça a tout du mieux. Ça a le tightness du Super NES, ouais, qui était pas de loading, c'est sur une cartouche physique finalement, ouais, sur DS, ouais, donc pas de niaisage de loading. Puis t'as toutes les cinématiques du PlayStation qui sont rajoutées dans le DS. Okay. Fait que vraiment super cool, bien content. C'est pour quelqu'un qui veut justement jouer à Chrono Trigger, puis ça étant pas de payer genre 300$ à cassette. C'est parfait, là. C'est la meilleure alternative. Là. Ah, puis c'est même une très bonne version, elle a pas de. Les graphiques, la musique, rien n'était pimpé. Non, c'est ça. Mais je veux dire, pour le prix, c'est pas mal tel quel que la version Super Nintendo. Fait que Non, ça vaut à peine, c'est sûr. Moi, j'avais acheté justement quand, du moment que c'était sorti, j'ai comme faut que je rejoue avec Chrono Trigger. Puis j'ai été surpris à quel point tout marchait bien, tu sais. Surtout après avoir vu la version PS1, que c'est comme. Ah, c'était horrible. C'était horrible. J'avais essayé de le faire aux versions PS1 3-4 fois, puis à chaque fois, j'abandonnais. Les loadings, puis tout ça, ça a comme pas de sens. Turn it off, là. Maudit CD. Ah, et pourtant. Donc, j'ai réussi à terminer Chrono Trigger, fait que un gros classique que j'ai pu mettre à ma collection. Et aussi, j'ai fini Out of Nowhere, Uncharted 2. Oh! Qui est un autre gros morceau. Ouais. Un pas bien canon. Solide. Il y avait une grosse réputation, j'avais des grosses attentes. Est-ce que ça l'a live up to la reputation? Oh oui, tout à fait. Là. Je l'attendais de pied ferme, puis ça l'a livré exactement ce que je pensais. J'ai toujours pas fini le 2, mais l'impression que ça m'a donné, juste dès les premières 5 minutes, t'es comme. T'sais, blown away. C'est fou comment que c'est bien écrit. C'est vraiment au niveau du scénario, il n'y a pas de temps mort. Les flashbacks sont efficaces, ils servent à quelque chose. C'est pas juste pour faire une construction funny. Ça sert à quelque chose. Ils prennent tous les clichés du film d'Indiana Jones parce qu'on s'entend que c'est un rip-off éhonté d'Indiana Jones, c'est ça qu'ils veulent. Mais ils prennent les clichés puis ils retransforment un petit peu comme pour jouer avec le spectateur. Dit, tu t'attends à ça, mais on va le moderniser quand même. Surtout au niveau des gadounes. j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec les gadounes, qu'ils ont pas gadounisé justement. Ouais, parce que trop souvent les jeux vidéo vont souffrir de bimbo avec des big boobs. Et des clichés hollywoodiens qui sont mis là parce que dans leur tête, ça va pogner, ça marche pour les films hollywoodiens, mais non, on va les mettre dans les jeux vidéo aussi, vu que c'est la même chose. Ben ouais, c'est tout pareil, ça. Yeah. Mais non, c'est très très solide jeu, j'ai bien aimé ça, puis là, je vais pouvoir m'attarder aux 3, éventuellement. Ouais. Uncharted 2, ça, c'était sur PlayStation 3? Ouais. Ouais. Les 3 sont sur PlayStation 3, mais là, ils ressortent sur PlayStation 4. Ah, ils dans le Nathan Drake Collection, machin et truc. Là. Ouais. Avec Uncharted 4, donc. Ben, il va y avoir Uncharted 4 après, séparé. Ah. Dans le fond, la collection va avoir le 1, 2, 3, mais juste le mode single player. Il n'y aura pas le mode multi. Puis, ils vont te donner accès à la bêta du multiplayer du 4. Ok. Ok, ouais. Ils aiment ça rendre ça compliqué, mais c'est sûr. Oui, c'est pas aussi compliqué que Destiny. On s'entend. Mais non, je pense que c'est une bonne trilogie, puis ça vaut la peine d'être joué pareil. Ouais. Mais pour avoir vu le 3, c'est comme tu dis, le début du jeu, là, ça frappe fort en partant. Le train wreck, il faut escalader le wagon qui pend dans le précipice, puis on retourne à cette scène-là plus tard dans le jeu. Mm. Puis les caméras sont pas aux mêmes endroits. Non. On fait la même chose, mais pas de la même manière. Mais... j'ai trouvé ça assez ingénieux. Naughty Dog, sur la réalisation, c'est fou ce qu'ils font. Je veux dire, tu sais, Last of Us aussi, les 5 premières minutes, là, ça fesse. Là. Ça fait mal. C'est pleuré. Oui. Littéralement, là, moi, j'ai trouvé ça intense. Là. Mais ouais, je pense que là-dessus, c'est un bon studio pour Naughty ça. Naughty Dog, ils savent très bien écrire, ils savent comment faire une narration qui a de l'allure, puis ils savent diriger des acteurs. Ah oui, totalement. Que souvent, c'est les deux premiers points chez d'autres studios, mais ils savent pas diriger des acteurs. Ouais. Puis des fois, t'as le même acteur, mettons, celui justement dans Last of Us, comment il s'appelle déjà, Troy Baker. Ouais, je pense. Il joue dans plusieurs autres jeux, puis il est tout le temps bien solide, mais tu sens que dans Last of Us. C'est une autre direction niveau, de plus, parce qu'il a été dirigé exactement à la bonne place, puis ils ont utilisé son talent d'acteur pour le faire. Hey, imaginez si Steven Spielberg faisait un jeu. Il en a fait un. Il a fait Boom Blocks à Wii. C'est pas c'est quoi? Non! Mais tu vois à quel point, Wow, mais... ça c'était du knowledge bien placé, ça. Ok, ben mettons. Boom Blocks à Wii, c'est un jeu. C'est un espèce de jeu où il faut que tu fasses tomber des blocs en garochant des balles. Ça n'avait aucun rapport avec Steven Spielberg, mais. Ben, ouais. Ok, mais je me reprends. Imaginez si Steven Spielberg faisait un bon jeu. En fait, il faudrait que Steven Spielberg réalise un jeu plus qu'il en fasse un. Ouais, ben, je vois mal le programmer de son bord tranquille en train de faire des affaires. C'était comme implicite dans mon faisage. Dans ton faisage de. Faisage de. Fait qu'avec tout ça. Avec tout ça, où est-ce qu'on se rend. Toi, t'avais pas un autre jeu. J'ai pas vraiment d'autres jeux que je joue de ce temps-ci. Honnêtement, je suis assez plate là-dessus. J'ai En fait, ça fait pas super longtemps, mais j'ai joué quand même pas mal à Monster Hunter 4 sur DS, sur 3DS. Sur New 3DS? Non, sur 3DS. J'ai pas la New 3DS. Old, moyenne New 3DS? La première 3DS. La 2DS? Presque. 3DS 2? C'est comme la 2DS, mais plus 1. Moi, j'aime la 2DS, man. Ben, tu sais, écoute, t'as le droit. Il y a personne qui va te chier à la rue pour ça. Mais non, c'est ça, puis je comprends plus rien. Mais Monster Hunter, c'est super addictif, tu sais, parce que c'est un jeu de grind, c'est typiquement japonais, tu sais, c'est le genre de truc où il faut tout le temps que tu battes des monstres pour avoir une meilleure armure, des meilleures armes, pour battre des plus gros monstres pour avoir une meilleure armure, pour avoir des meilleures armes, puis ainsi de suite jusqu'à temps que tu meurs. Non, mais dans ses feuilles. Exactement. C'est un peu comme la tune des vulgaires machins. Là. Ouais, genre. Je fais de la poudre. Pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre. Mais la poudre. Mais c'est pas la cousine de la poudre, ça. La poudre est douce. les deux dans le même party là, c'est assez explosif. Hey, ça, à ce qu'on dit. On les a pas vus, malheureusement. Non, puis on a pas beaucoup d'histoires là-dessus, c'est plus des mythes. Non, c'est ça. Des légendes là, c'est les légendes urbaines qui appellent. Ouais. Fait que ça pour dire. Faudrait démentir ça un jour. Un jour. On ira déterrer à la poudre puis on y demanderait. Ouais. puis là, faut surtout pas aller en parler à la poutre. Parce que elle a comme un petit peu été délaissée. La super poutre. La super poutre, celle sur le pont Champlain. Là. Ouais, c'est ça. Elle est rendue où elle d'ailleurs? Ils l'ont enlevée et on n'a plus jamais entendu parler. Non. C'est comme Michael Culkin et tous ces acteurs enfants-là. Ouais. Michael Culkin, en fait, apparemment. Il est mort, puis il est pas mort, puis il est mort. Non, mais il fait pas de la musique avec un groupe de musique où est-ce qu'apparemment il reprendrait toutes les chansons du Velvet Underground, mais qu'il change les paroles pour parler de pizza. Ah, tu vois, moi je pensais qu'il était mort dans My Girl 1. Oh. Oh. Spoiler alert! Il a pas ses lunettes! C'est-tu parce qu'il avait pas ses lunettes qu'il est mort ou aussi à la fin du Bon Fils? Le bon. Ouf. The Good Son avec Elijah Wood. Je sais de quoi tu parles, mais je me rappelle pas de l'avoir vu. Tu sais, je reconnais le film, mais. Si on parle de bon film poche. En Florence, tu le vois pas venir pendant tout que c'est My Girl. Lui, c'était bon, ça. C'était bon, My Girl, avec Dan Aykroyd, man. Hey, il joue du tuba. Grim. Il joue du tuba, man. T'as déjà vu ça, un gars qui joue du tuba dans le film? Il joue du tuba dans Home Alone aussi. Dans Home Alone? Non, il jouait de la clarinette avec la polka. Non, mais ça, c'est John Candy. Ah, oh, fuck! Shame on me. Je viens de perdre tous mes morceaux de robot. Le défunt John Candy. Okay. Puis comment est-ce qu'il s'appelait dans Spaceballs déjà? Barf. Il s'appelait Barf. Il est comme un moment de genre fixé dans le vide à essayer de penser, genre, ouais. Je dois savoir ça. Mais tout ça pour dire. Fait que, RIP, mais Macaulay Culkin. Et si jamais t'es vraiment mort, rip. Sinon, on l'avance. À la prochaine. Mais en parlant de My Girl, j'ai revu l'actrice qui jouait la fille dans My Girl. Elle est pas morte. Elle jouait dans Hannibal. Okay. Genre l'émission de télé genre récente là, elle joue là-dedans, j'étais comme what the fuck, elle est pas morte elle. Puis est-ce qu'elle est toujours en train de se demander qu'est-ce qui se passe avec son corps puis quoi faire de sa vie? Non, malheureusement, je pense qu'elle a déjà figure out ses menstruations puis tout ça, puis elle tripe plus sur son espèce de cousin louche dans le 2 que genre ça avait comme pas rapport là, qui habitait genre vraiment loin puis qui prenait un avion pour aller le voir. Tu connais un petit peu trop bien la suite de My Girl. Hey, écoute, J'ai écouté souvent la suite de My Girl, pis ça faisait jamais de sens dans ma tête. Fac. First day. C'est comme, je sais pas pourquoi j'ai réécouté Transformers 4 sur Netflix. Ben là tu cherchais le trouble, là. Ouais. Rendu là, t'as mis joué à Destiny. C'est ça. Tu vois comment est-ce que les deux sont interreliés rapidement. Ben, perte de temps, perte de satisfaction. Ouais, pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Pourquoi? Point. Fait que, parlant de perte de temps, est-ce qu'on débouche une autre bière? Ben, t'es aussi bien de déboucher à la tienne. Ben, tiens, toi. Je vais me saucissonner à gueule pendant ce temps-là. Ben, c'est aussi bien. Fait que comme troisième bière pour cette édition pourrie de la barrique, on est allé avec une bière de Saint-Arnould. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut. Est-ce qu'il faut dire Saint-Arnoux ou Saint-Arnould? Bonne question. On a ressenti l'hésitation ici qui était « Je vais tasser toute ma bouchée dans ma joue et je vais répondre à ta question. » Ça se mange pas aussi vite qu'on veut, hein? Non, mais c'est un excellent saucisson, d'ailleurs. Oui. Cette bière s'appelle l'Inédite. C'est une Hopfenweiss Dunkel. C'est pas mal mon genre de bière préférée ces temps-ci, là. Donc, les bières foncées au blé. ce genre d'affaires-là. C'est une très grosse bouteille et qui, j'espère, est encore froide. On va vous déboucher ça à l'instant. Mon guess, c'est que non. Ça se plouchait bien, en tout cas. À sointe, pas pire. L'étiquette est belle. Ça fait très allemand comme étiquette. Si vous pouvez voir le noir, le rouge. C'est un corbeau nazi. Ah, Colin, tiens, de me casser le fun. On est en train de voir de la... Les hosties de corbeaux nazis, man, sont partout. Des tabarnaks. Tu t'en sors jamais des corbeaux nazis. C'est un fléau. C'est dans le parc Laurier, il y en a tout le temps, man. À toutes les fois que je passe. Là, ils sont à la dompe à coup de jouac. On a des mouettes, mais on n'a pas de mouettes parce que les corbeaux sont trop nazis. C'est ça. Avez-vous des gros McDonald's là-bas? C'est ça qui entretient la vie des corbeaux? Non, mais on a un Canadian Tire qui est a.k.a. la dompe. A.k.a. la dompe? Ouais, parce que si t'as besoin d'une strap pour ton skidoo, mais tu vas au Canadian Tire, a.k.a. la dompe. Dans le fond, peu importe ce que t'as besoin, tu vas au Canadian Tire, c'est ça. Finalement. Tu vas à dompe. C'est littéralement la course Canadian Tire, c'est comme une dompe. Il y a littéralement des montagnes non, de la choses. La dompe, c'est le Canadian Tire. Tu veux faire l'épicerie, tu vas au Canadian Tire, a.k.a. la dompe. Pas la dompe. Tu sais, genre, entre les pneus pis les wrenches, là, t'as la section bouffe, là, tu peux aller là, là, c'est bien. Dans des beaux sacs noirs, là, t'es bien taité. Bon, fait que, c'est ça, c'est une. Elle est assez foncée, elle est moins noire que la cœur noire. Et on voit qu'elle est un peu. Pourquoi l'inédite? Pourquoi l'inédite? Ouais. As-tu checké sur la bouteille si elle avait une histoire? Attends un peu. Ben, moi, je trouvais que c'était inédit qu'on se retrouve tous les trois ici. Je sais pas si c'était pour ça que tu voulais que je dise. Pourquoi l'inédite? Elle a pas l'air d'avoir d'histoire dessus ben. Moi, je vois ici que c'est écrit Mont-Tremblant. Ils viennent de là. Ah bon. Toi, je savais même pas qu'il y avait une place à Mont-Tremblant qui brassait de la bière. Il y a pas mal plus de places où ils brassent la marde là-bas. Ouais, pis où est-ce que tu payes trop cher pour tout? Excusez, c'est un lapsus. Ils brassent des bonnes affaires. Ah! c'est surtout pas la place, ça coûte vraiment cher pour rien. Non. Attention là, on a déjà l'OQLF sur le dos, faudrait pas que Mont-Tremblant. Ah, est-ce qu'on va avoir Parker Brother, on va avoir le Mont-Tremblant, on va avoir l'OQLF, qu'est-ce que d'autre qu'on a chialé? On a chialé contre les Italiens tantôt, on a chialé contre quoi déjà? Les corbeaux nazis. Les corbeaux, les hosties de corbeaux l'association nazis. La protection des corbeaux contre vous autres. On va sortir de la sombre, ça va être comme The Birds là, ils vont tout à l'heure nous regarder. Ils sont en train de faire des saluts nazis de même avec leurs ailes, là, ça va être super rough. Je pense qu'on va trouver la prémisse d'un pas pire film de série B pour Fantasia, les corbeaux nazis. Ah, mais, ah, oh man, faut faire mais ça. Mais il y avait un film de trauma qui s'appelait Surf Nazis Must Die. Fait que là, ça pourrait être les corbeaux nazis Must Die ou on a-tu comme un projet, nous autres, là? Je pense qu'on pourrait facilement filmer ça, là. En tout cas, moi, je fournis les micros. Moi, on peut faire du bruitage d'avion, corbeaux, nazis. De toute façon, ça pourrait jamais être pire que Birdemic, là. Je sais pas si t'as déjà vu Birdemic, non. Là. Tu t'approches ça sur YouTube, ça va être bien drôle. Une pâle copie de The Birds ou... Genre, mais... écoute... Ta face voulait dire plusieurs choses en même y temps. Il y a bien des affaires qui marchent pas avec ce film-là. Le acting est à chier, le son est dégueulasse, la qualité d'image est vraiment dégueulasse. Les effets spéciaux sont hallucinants. Ça paraît presque pas que ça a été tapé par-dessus. C'est... Birdemic, allez checker ça. Écoutez en famille. Écoutez en famille. C'est aussi le nom de la prochaine maladie que vous allez attraper. Ah, probablement. Tout de suite après la grippe porcine, puis. Wesh. C'est ce qui nous amène au prochain segment de l'épisode. Quel lien! On a-tu de la suite des idées ou pas? Écoute. On est pas pire, hein? Je pense que niveau Segway, là, on vient d'atteindre un nouveau sommet. Là. Man, Monty Python n'ont rien sur nous autres. Ben, moi, je les connais bien. Fait que, tu sais, j'intègre. T'as grandi avec eux autres, finalement. Là. Ça fait longtemps que je voudrais revoir mon papa John Cleese. Mais papa John Cleese a apparemment du vin à boire en quelque part dans la Napa Valley, en Californie. Pareil qu'il est comme trop important pour toi. Je te dis vedette à cette heure. Ouais. Ou c'est moi qui est pas assez important pour lui. Fait que c'est pour ça que tu fais du podcast, maman. J'essaie de retrouver mon papa. Fait que... Je cherche mon papa, là. Je recherche mon papa. Hashtag papa John Cleese. Si ça traîne pas, là, moi, être déçu, là. Tu dis ça à chaque épisode, hein? Ouais, pis ça traîne jamais. On n'a pas un following de fou, nous autres, hein? Fait que le monde n'embarque pas dans nos affaires. il est où notre gars à Chypre là, qui pourrait partir une révolution en Europe pour nous autres? Il est où? Je voulais bien trendé, mais j'étais en train de faire du ménage dans ma bécosse quand que je vous entendais trendé. Je vais dire, ah, ça va mal un peu entre laver le bain. Puis, Je pense qu'on a eu un hashtag Fuck Parker Brothers, puis c'est Mathieu Lamar qui l'a fait. Oui, fait et on est en 2015, je vous 2015, rappelle. Oui. Donc ça a eu lieu la semaine dernière. Oh. C'est quand même très récent, malgré que l'épisode dans lequel ça a été dit date d'il y a 2 mois. Un mois et demi. Ouais. Shout-out à Mathieu Lamar, un bon Jack. Ben certain. Shout-out à les 3 personnes qui interagissent avec nous autres sur Twitter. On vous aime bien. Dont un qui est en studio avec nous. Fait que salut vous deux. Vous êtes bien chill. Mais là, c'est qui l'autre d'abord? Fait que c'est qui interagit plus avec notre compte de la barrique là. Ok, c'est ça, on est rendu au moment où on fait des shout-outs aux gens qui nous... Il y a Jacques Germain, toujours un bon Jack. Toujours. Moi, je dois dire que j'ai un plaisir fou à discuter avec les gars de Boulevard Brutal. Bah aussi, ça tu te trompes j'aime, pas. J'aime beaucoup leur joke metal et de flux. Et quand, de flux. Quand il y en a. Shout-out à vous autres. Sinon, Fait que ça pour dire, chers auditeurs, vous pouvez interagir avec nous et si vous êtes du genre citer. À le faire, on va vous citer exactement. Ou même pire, ils vont vous inviter comme ils ont fait avec moi quand ils sont vraiment désespérés. Vous voyez comment ça marche des fois. C'est faire des beaux dessins. Puis, cette aubergine-là avec des lasers, là, à ce jour, c'est encore un des plus beaux choses que j'ai vu. Le monde du podcast. Oui. Fait qu'il faudrait peut-être prendre de la bière. Oui, on va qu'on goûte. Goûtez-y, puis moi j'ai goûté, puis je trouve que ça fait vraiment ça. Malgré que je pensais que ça aurait été légèrement plus, j'allais dire sucré caramel, ouais. Ça l'est moins. Tu vois, c'est justement la même affaire, je me serais attendu à quelque chose d'un peu plus caramel, mais finalement, je veux pas dire que c'est amer, mais tu sais, c'est plus sec. Que licoreux, mettons. C'est ça. Mais c'est comme plein de saveurs qui t'arrivent dans la gueule. Puis là, tu fais « Oh my God, ça va! » Puis là, ça arrête. Ah! Puis là, il stabilise. Dans le sens de plein de saveurs, faudrait aussi noter que c'est la 3e bière dans le même verre. Il y a ça. Il y a peut-être un effet homéopathique, là. On prend de la grume, il y a du chocolat. Parce que là, cette bière inédite-là, elle était à quoi? 6,6%? Ah ouais, elle a peut-être droppé à 3,5% à cause de l'étape du fort. Et slash, ou elle a augmenté à cause de la 7. Fait que là, mathématiques. Elle sait plus où donner de la tête. Chiffre. Dans le fond, elle est rendue à comme 18% à cette heure-là, fait qu'elle fesse, là. Tu sais, c'est... Tiens-moi, ça donne une autre gorgée! Mais bon, ouais, non, mais c'est une bonne bière, mais... Elle sait comme juste pas où ce qu'elle s'en va. Ouais, c'est ça. On dirait. Parce que c'est ça, c'est une tradition allemande là, que c'est Dunkelweisse ou Hopfenweisse Dunkel. Je veux pas dire que Saint-Arnold, ils font pas une bonne job. Là. Au contraire, c'est une excellente bière en soi. Compare ça par exemple avec The Real Deal ou bien Das Reale Scheisse. Toi pis ton allemand. Ah, veux-tu que je te sorte mon russe? Mon petit lexique bon est là. Tu parler avec les corbeaux. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Chris. Ah, Steve, il fait partie de la gang? Non. C'est ça depuis le début. J'ai une longueur d'avance sur vous pour pouvoir me défendre, en fait. C'est... Oh, chier, moi, du corbeau. Ah, je Non, ça serait Gehindi Scheisse Corbonen. Je sais pas. Corbonen. Je sais pas c'est quoi Corbonen. Corbonen, ça me semble, ça serait un bon nom de robot. Ouais. Corbonen. C'était pas un coach de Canadien, ça, Corbonen? J'irais même pas là. C'est comme trop, là. Ben, moi, je suis déjà allé, mais c'est been there, done that. fait que, ouais, ça. Les gars, à quoi vous attendez? C'est quoi le prochain jeu que vous avez out de? On le garde-tu pour la fin? Parce que c'est probablement d'emblée là, le top 1 que tout le monde va avoir. On va le dire tout de suite. Ben là, vas-y, je sais pas de quoi tu parles, fait que tu te parles tout seul. Je vais tasser le micro plus proche. Quoi, on va s'en aller, on va venir te voir. Ouais, c'est ça, c'est quoi, c'est un Secret Santa, c'est quoi? Fallout 4. Ouais, il y a ça, par exemple. Ouais, c'est ça. J'avais comme oublié que c'était cette année. Oui, c'est cette année. Quelle surprise, ils nous ont dévoilé ça. Ouais. Oui, ils vont sortir ça en novembre de 2015. Et effectivement, donc Fallout 4 sera disponible cette année. C'est le jeu que j'attends le plus. Celui dans lequel je vais pouvoir oublié que je suis papa et que je cherche mon papa. Pis c'est là que les services sociaux vont venir après toi, parce que ça va faire comme 4 jours que ta fille elle va être dans la bassinette en train de flotter. Fait que les services sociaux vont être obligés de jouer en ligne à Fallout 4 pour te trouver dans le jeu, ouais, pour te dire d'aller comme aller voir ta fille. Ouais, exact. Fort probablement, sauf que là, moi, je vais pouvoir avoir déjà plié bagages, utiliser une couple de Steam Pack, on va être allé une couple de quadrants plus à l'ouest. Mon plan est déjà tout élaboré. C'est fait. Mais ouais, non, Fallout 4, moi aussi j'ai bien out. Ouais. Le 3 était hallucinant. Le New Vegas a peut-être un peu moins. Il est bon, mais il est pas. Même pas marqué autant que le 3. Je pense que c'est une question de qu'est-ce qui t'a marqué le plus. Parce que New Vegas, pour la quantité de gameplay supplémentaire qu'il y avait, les nouvelles mécaniques, là, vraiment, là, on pouvait soit faire partie de différentes factions. Et on pouvait gérer une panoplie de body qui pouvait nous aider à tout moment. Dans le fond, c'était un peu comme un 3.5, tu sais. Mais je pense juste que le 3, il y avait tellement une histoire classique Fallout que, tu sais, ça m'a comme plus marqué, ouais, je sais pas. On dirait que New Vegas, l'histoire m'a moins embarqué, fait que j'étais moins investi dans le jeu. Ben, c'était surtout que ça venait un peu déchirant là, de choisir est-ce qu'on se rallie avec les nouveaux impériaux. Ce syndrome, mais genre Mass Effect, là, tu sais jamais quoi répondre parce que t'as peur de répondre à mauvaises affaires, puis quelqu'un meurt, puis t'es comme tabarnak. Mais en même temps, dans le cas de Mass Effect, c'est plus un dilemme entre est-ce que t'es gentil ou t'es un trou de cul. Ce que tu peux être autant dans Fallout, mais là, c'est avec qui tu te rallies dans le sens. La différence avec Mass Effect, où est-ce que tu dois rallier tout le monde à toi? Oui, non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu as des choix à faire, puis des fois, c'est pas facile. Oh, c'est jamais facile. Ben, moi, je ferais l'avocat du diable. J'ai vu l'annonce du Fallout 4, pis tout. Moi, vite, je trouvais que ça ressemblait pas mal au 3, comme visuellement. Je me suis dit, donc, c'est encore la même maudite barre de place. Ben, c'est ça, je vais faire l'avocat du diable, je m'en viens que ça. Ça a l'air d'être même maudite place, sauf que t'as l'air d'avoir des bouts de prequel, peut-être. Fait que, pourquoi vous avez hâte au 4? Ben, en fait, je pense que c'est plus parce que c'est une continuation de Fallout 3. Puis, je pense que, tu sais, ton point est valide dans le sens où moi aussi, la première fois que j'ai vu le premier trailer, j'étais comme, OK, c'est pareil à Fallout 3. Les environnements sont identiques. Non, c'est ça. La seule affaire que je rajouterais... T'as un peu pas le choix parce que c'est post-apocalyptique. Ouais, il y a pas différents types de post-apocalyptique. Le seul truc que je rajouterais, c'est que Fallout 4, comparé à Fallout 3, il y a beaucoup plus de couleurs. Ça paraît peut-être pas tant que ça. Il a l'air un peu plus vibrant, en effet. Ouais, c'est ça, parce que Fallout 3, c'était très gris, très vert. Puis c'était à peu près les seules deux couleurs que tu voyais dans le jeu. Gris, vert, brun. Ouais. Puis Fallout 4 a l'air d'avoir un peu plus de couleurs dans la nature de ses environnements, parce que c'est quand même à Boston, c'est ça? Oui, le 4. Ouais. Fait que tu sais, de la nature, de l'environnement, c'est déjà un peu plus coloré que Washington D.C. Là. Ça, c'est moins... Ouais, ouais. Puis on s'entend, je suis déjà allé à Washington D.C. dans la vraie vie. Ouais. C'est très bibelot comme ville. Non, c'est ça. c'est... Fait que tu sais, d'avoir une ville peut-être un peu plus vivante, un peu plus aussi... Je trouve que tu sais, d'avoir une ville comme Boston, c'est plus facile de... Comment je pourrais dire? Tu sais, relate to, genre. Parce que tu sais, c'est une ville que tu sais, il y a bien du monde ici, surtout au Québec, tu sais, qui sont allés parce que c'est proche, puis tout ça, puis... Ouais. C'est du brun à merde. Ouais, c'est du brun partout. Non, les bruns de Boston. Ouais, les bruns. Ces seuses-là. Les maudits bruns. Je sais que le Fenway Park est dans le jeu. Ouais. Mais si l'aréna est là, je pense que je pense pas qu'on va mettre le TD Garden, par exemple. Faire sauter. Ben, c'est ça. C'est un petit fat boy, là. Dans le fond, c'est comme Megaton, là, dans Fallout 3. Tu as le choix de le faire sauter ou non. Le temple à renommée des Bruins, veux-tu le faire sauter, oui ou non? Yes! Tout le monde qui joue au jeu dans le monde vont comme sauver le TD Garden. Tout le monde de Montréal vont faire fuck it, plaisir, un beau petit nuage. Ils vont ramasser des stats avec ça, genre, pour voir où dans le monde qu'est-ce que le plus les Bruins. Ils vont vendre le DLC juste au Québec, ils vont faire fortune. Non, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on triperait sur Fallout 4 autant que le 3? À quoi tu t'attends comme le plus? Je m'attends à vivre la même expérience de je dois survivre avec ce que j'ai et devenir plus fort avec ce que je découvre. Je m'attends pas à raconter une histoire de comment survivre là après que la bombe allait y éclater. Je m'attends pas à raconter une histoire sur comment est-ce que les autres personnes ont survécu à ça. Surtout qu'on nous a annoncé des mécaniques de tu peux construire... Tu peux faire ta base. Tu peux fonder ton village. Oh oui. Tu peux carrément fonder ton village, cool. Donc s'assurer que des gens puissent venir et vivre là. Ben en fait, c'est... Faire runner le village, les commerces, ben ces trucs-là. C'est ça, t'as tout cet aspect-là qui est de plus, parce que aussi, si tu vas construire ton village, puis il va se faire attaquer. Fait qu'il faut que tu décides si tu le défends ou non, puis comment tu vas le défendre, puis tous ces petits trucs-là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que tu peux t'arranger pour comme. Ils disent que c'est pas obligatoire de le faire, mais tu sais, t'as probablement plus de stock que tu vas pouvoir débloquer, ou tu sais, ça va amener de quoi de plus au story si vraiment tu prends le temps de bien faire ton village. Ça serait bien qu'il y ait du story qui vienne avec ça, parce que moi, je trouvais ça. Moi, dans le 3, je trouvais la mécanique le fun, l'histoire principale, ok, mais c'est la faune sociale qu'il y a autour qui est intéressante dans Fallout 3. Absolument. Puis explorer l'environnement, c'est une chose, mais explorer les individus, moi, je trouvais que c'est vraiment ça. Puis moi, j'aimais plus Fallout 3 que Skyrim par rapport à ça. Skyrim, t'explores un univers géographique. Ouais. Fallout, t'explores un univers social. Oui, totalement. Parce que puis malgré qu'il y en a du social dans Skyrim, parce que il y a différentes villes, puis ils s'aiment pas les autres villes. Mais c'est moins poussé, on dirait, parce que c'est moins... C'est... Comment je pourrais dire? Moi, Mathieu, c'est plus. C'est plus fantasy. Des gentils, des méchants, on s'aime pas. C'est des clichés. Là. Tandis que dans Fallout, c'est vraiment des problèmes sociaux qui ont. Les slavers en sont un pertinent exemple. Là. Entre autres. Les mutants, etc. etc. Les mutants qui parlent, c'est comme c'est pas de ma faute si je suis comme ça. Tout le monde m'aïe, fait qu'il faut que je fasse de quoi. C'est pas de ma faute. Mais en même temps, il est tellement lettre. C'est un petit coup de combat shotgun dans la face. Ça règle tout. Ça c'est comme un peu comme tout. Pizza Rico dans Spaceball. Genre, c'est la même chose. En moins délicieux. Avec un bout de pepperoni qui tombe de son front dans sa bouche. C'est assez. Pepperoni. T'es pas mort auto-dégusté, lui d'ailleurs? Oui, à la fin du film. Auto-dégusté. C'est une excellente. J'aime comment est-ce qu'on parle de Spaceballs dans cet épisode-là. Non, mais Spaceballs, man. C'est une référence. Là. Spaceballs. T'entends-tu? C'est ça. Fait que Fallout 4. Puis je pense que quand on parlait aussi que dans Fallout 4, il y a des gens qui vont venir habiter dans notre village, on est en train de se faire préparer à ça avec Fallout Shelter, que j'ai joué un peu d'ailleurs. Mm. En fait, pendant 2 jours seulement, j'ai pu jouer à ça. Puis en cette date de 2015, début août, il va y avoir dans à peu près 2 semaines là, Fallout Shelter de disponible sur Android. Ouais. Je ne serai pas en ville. Tout ça pour dire que je risque d'être dans quelque part où la connexion internet va être très slow. Je vais quand même essayer de le télécharger. J'ai aimé ça parce que c'est beaucoup de gestion. Puis effectivement, t'es le overseer de ton vault. Puis tu dois t'arranger pour que tout le monde soit heureux, en santé et qui travaille pour que le vault fonctionne bien. Mais une manière d'avoir du monde dans ton vault, c'est des gens qui font juste arriver à la porte puis t'es laissé rentrer. Fait que tu dois déterminer dans quel genre de job ils seraient les meilleurs. Fait que je pense que ce que Fallout Shelter nous fait travailler comme aptitude vont nous servir dans Fallout 4 pour gérer cette espèce de village là qu'on peut fonder. J'ai vraiment hâte à Fallout 4. Je reviens à ce que je disais tantôt là. J'ai hâte de continuer à jouer à Fallout, je pense. C'est plus. Parce que j'ai fini Fallout, puis je l'ai recommencé tout de suite. Oh shit. Ah ouais. Je l'ai recommencé tout de suite parce que ben tu sais, je suis allé dans telle direction en sortant, je vais aller dans telle autre direction. Il y a tellement de choses à faire que j'ai jamais fini de jouer à ce jeu-là malgré que j'ai fini l'histoire. En plus avec les DLC, t'as tellement de stock là. Effectivement. T'as le Mothership Zeta, je pense, pour ces affaires-là. Le Mothership The Pit. J'ai resté pogné dedans, il a buggé, puis j'ai scrappé ma game à cause de ça. Ah ouais. Fuck. Bethesda! Puis, nouvelle mécanique de crafting d'armes aussi. Ouais, aussi. On peut combiner culasses, canons et autres parties. Tu vas déjà faire du crafting dans Fallout 3. C'était pas aussi poussé. C'était semi-cool. C'était de base, mais là, je pense qu'ils l'ont vraiment plus poussé. Tu démontes ton gun, puis tu remontes avec différentes autres pièces, puis tu peux faire quelque chose de... Tu peux créer carrément un gun de toutes pièces, puis lui attribuer plusieurs autres attributs. Ça se dit-tu, ça? Des attributs. Des attributs. Attributation. Ouais, c'est ça, ces affaires là. C'est ça. Fait que toi, à quoi t'as hâte de jouer? Je vais être un peu triste là, mais ce que le jeu que j'ai le goût de jouer, c'est pas un jeu, c'est une console. J'ai hâte de jouer une PS4. Ben ça fait du sens, man. Parce que moi là, quand je suis allé dans le Grand Nord, là, je me disais, hey, j'ai une nouvelle job, une nouvelle paye, qu'est-ce que fait qu'une première paye, t'achètes de quoi de niaiseux, tu sais? Ouais. T'sais, pour te faire plaisir, je vais acheter un PlayStation 4. Ça fait ça. Ça se trouve pas dans le Nord. Mais c'est là, pas mal moins niaiseux que d'acheter, je sais pas, moi, un homard empaillé. Ou un opossum, tu sais. À chacun ses goûts, mais effectivement, je vais m'acheter ça parce que ça fait techniquement longtemps que j'en veux une. Puis là, je me dis, à quoi je vais jouer, mec, j'achète ma PS4? Puis là, j'ai comme entendu des criquettes dans ma tête. Ah. Là, ben, je vais attendre un peu, je vais être sage. Je vais attendre qu'il y ait quelques jeux sortent ou des bundles cool. Quelques mois plus tard, je me pose la même question. À quoi vais-je jouer à ma PS4? Cricket à nouveau. Et même à ce jour, je sais fuck all pas à quoi jouer à ma PS4. Mais c'est pas mal ça, parce que l'affaire, c'est qu'il y a une couple de bons jeux, mais tu te dis, ça vaut-tu vraiment 500$ là, présentement? T'sais, où est-ce que je peux attendre une couple de mois puis espérer qu'il y ait un bundle meilleur et où que ça drop de prix? T'sais? Y a-tu vraiment des jeux incontournables, historiquement parlant, maintenant qui sortent? Pas vraiment. Il y aurait à eu... À part Minecraft. À part Minecraft sur PS4 que j'ai vu l'autre jour, là, qui est graphiquement super beau. Mais là, vous allez me dire, comment... ouais, mais ça a mis en fait que nous dans... Ouais, pis. Fait que si t'as pas joué à Minecraft encore, tu peux le faire là. Ce qui vaut tellement 500$ pour. Ouais, c'est ça l'affaire. Ça peut valoir 500$ avec quelques bons jeux. Infamous en est un correct. Ouais. Il est beau, il est le mais fun. Mais c'est tous des jeux que je vais pouvoir racheter à 20$ non, comme dans un an, pis ça me dérangera pas des jeux dans un an. Mm-hmm. Y a pas de jeu maintenant qui sort qui me dit fuck, faut pas que je le manque t'sais, là, now là. Moi, c'est à peu près la même affaire que j'ai eue. Je pense souvent à en acheter une, puis je suis comme, si bon, on dirait que j'arrive pas à me donner une raison d'en acheter une. T'sais. J'ai beau checker les jeux qui sortent, puis je suis comme, ben ok, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'y jouer là maintenant? Si j'ai-tu un besoin de jouer à ça, ben pas tant. Pis c'est de même pour toute la next-gen finalement. Je regarde les jeux, je suis comme. Je sais pas, tu sais, je suis capable de trouver des jeux spécés en attendant qui vont faire la job. Puis éventuellement, quand il y aura un bundle qui va me tenter, ben j'irai peut-être. T'sais, le bundle de Batman, il est super le fun. Tu sais, j'ai pensé de l'acheter. Ouais, mais sur console, c'est un peu moins pire. Ouais. Mais pareil, tu sais, c'est juste le principe de dire, tu sais, j'aimerais ça avoir un bon bundle et ou une baisse de prix. Tu me semble que là, il commencerait à être temps. C'est-à-dire, tu sais, s'ils font un bundle, admettons. Fallout 4. Ouais, genre. Ou, tu sais, pour ceux qui ont jamais joué, tu sais, s'ils font un bundle avec le Uncharted Collection, justement, tu sais, je pense que ça ferait du sens, tu sais. C'est des trucs de même que, tu sais, je pense qu'il faut juste attendre le bundle qui te titille, finalement. C'est un excellent point que Poilman a apporté. Excellent poil que Poilman a apporté. C'est un excellent point que. Non, sérieusement, je trouve que. Quand on parle de cricket, c'est effectivement le cas parce que c'est quoi les nouveautés des jeux vidéo qui. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo a de tant nouveau et de si innovateur qui nous fait sauter dessus tout de suite? Il n'y en a plus tant que ça. On dirait qu'on fait juste récupérer pas mal les mêmes recettes puis c'est rajouter un petit peu de sucre de plus, un petit peu plus de sel. Je pense que là, l'affaire aussi, c'est que la mode est bien gros au remaster. Exactement. Je trouve ça le fun jusqu'à un certain point. C'est sûr que c'est le fun. Un jeu qui est sorti là 10-15 ans, tu sais, qui revient dans HD. Ok, c'est cool parce que ça peut faire 10-15 ans que tu y as pas joué. T'es comme, ah, j'ai eu des grands bons souvenirs, fait que tu la jettes, mais. L'âge est à la revisitation. Puis je pense que nos consoles, ils nous servent plus à jouer à des nouveaux jeux, ils nous servent à plus apprécier les jeux qu'on a jadis aimés. Ben, c'est ça, mais l'affaire, c'est. Comme je dis, je peux comprendre pour certains jeux, mais quand on a annoncé Last of Us PS4, j'étais un peu en crise parce que je me suis dit. Le jeu, ça faisait littéralement comme un an ou un an et demi qu'il était sorti sur PS3. Il est fucking beau. Là. C'est ça, puis il est super beau, puis tu le remasters déjà pour vendre des consoles. C'est comme, rendu là tu cherches le trouble. Là. Moi, dans ma tête, là. J'avais vu une blague sur les internets, justement, qui disait que la PS4, c'était la PS3 remastered. C'est exactement ça. Je pense que je viens d'exploser. Non, c'est ça. Ouais. T'avais ça en silence? Ben, tu sais, c'est une petite explosion. Mais dans les marais, c'est bon. Comme exploser dans les marais, ça se mélange au reste du. Ça fait des bulles, puis. Ça sent la même chose. C'est ça. Je pense que c'est le même phénomène avec le. Ben, le même phénomène, c'est relatif, mais tu sais, avec le remake de Final 7, c'est cool, mais. En même temps, dans ma tête, je me dis. Je l'ai vécu une fois Final 7 sur PS1, puis c'était bien bon, là. Ouais. Mais je sais pas qu'est-ce que ça va donner un coup remastered, puis. Ça, par exemple, je suis pas hypé pour ça, genre. Ben, moi, oui, mais. Dans le fond, il y a une différence à faire entre le remaster et le remake. Parce que le remake, c'est comme Tomb Raider, mettons-le. Non, le remake, c'est comme Resident Evil 1. Ouais. Ça, ils ont fait un remake. C'est la même chose, mais ils ont crissé ça à terre, puis ils l'ont recommencé, mais avec le même concept, la même histoire, mais visuellement, tout est changé. S'ils font ça avec Final 7, même limite à changer des choses, ça, je suis pour ça, parce que t'as une volonté créative à faire de quoi. Si tu penses que tu peux ajouter de quoi... Genre, au produit original, c'est cool. Parce que ça, justement, ça amène de quoi de nouveau. Mais si tu fais juste un port HD, ça, c'est juste de l'arnaque. C'est juste, donne-moi ton cash, drette là. Exact. J'ai mis aucune scène sur mon jeu. C'est comme une garantie prolongée. C'est du cash. Non, ça, parce que rendu là, tu fais juste porter le code, puis c'est à peu près tout. Tu le mets un peu plus beau, puis c'est comme, hey, regarde les graphiques HD dessus. C'est comme, ouais, mais c'est le même jeu. Puis on s'entend qu'ils font les remasters des seuls jeux qu'ils sont capables de faire. T'as aucun remaster de jeu de PS1. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables de les faire en HD. Non, c'est ça. Ils sont pas capables de juste prendre le code puis de l'upgrader. Non. Fait qu'il y en a pas de remaster de PS1. C'est des polygones. Ouais, mais c'est des polygones programmés plus mars. Je sais pas expliquer pourquoi. Mais tous les jeux de PS1 qui ont fait des remakes avec, mais ils ont pas fait de port HD. C'est juste des jeux de PS2 en montant. Ouais. Fait que tu sais, ça, c'est ce genre d'affaire que justement dans cette génération-là, ça me gosse un peu. Je me dis, si bon, tu sais. Puis là, je trouve qu'avec le 3, ils ont été un peu plus avec des nouvelles IP. Fait que le futur semble un peu mieux que ce que je m'attendais. Mais je suis pas encore convaincu. J'aimerais ça dire, je veux avoir une PS4 là, je n'ai de besoin. Puis j'ai le goût de passer à la nouvelle génération. J'ai le goût d'avoir une PS4 là. Je veux faire mon fanboy, mais. Dans ton cas, probablement que Dying Light, ce serait un jeu potentiel pour toi. Là. Okay. Dans le sens où, comme tu disais tantôt. Encore là, c'est pas une exclusivité. C'est pas une exclusivité, non. Moi je me cherche une raison. C'est Infamous qui m'avait fait pencher vers PS4 au lieu de Xbox One. Puis j'ai joué à Infamous, puis j'ai moins de plaisir à Second Son qu'à Infamous 2 sur PS3. Ouais. Il est le fun, le jeu pareil, là. Ouais. Mais je trouve pas qu'on ait été une bonne grosse coche au-dessus de ce que ça aurait dû être. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je me mets à la place de Monsieur, Madame, Tout le Monde, qui présentement magasine. Ouais, eux autres, là. Mais, tu sais. S'ils parlent pour tout le monde. Ils magasinent des old 3DS nouveaux. Ouais, exact. 3D, exact. Avez-vous du Nintendo? Du Nintendo. Là, mon petit gars, il m'a demandé le nouveau vieux Wii U DS 3 Max. Pusher Edition. C'est affaire là. Mais non, mais sérieux, Monsieur, Madame, Tout le Monde qui se magasine une console nouvelle génération, c'est dur de décider entre les deux. Moi être à la place genre de ce monde-là, j'irais avec la console la moins chère, fait que j'irais avec une Xbox One, parce que la plupart des jeux vont être ces deux consoles. Puis tu sais, pour les quelques peu exclusivités là, tu sais, y a mais pas la manette, man. Ugh. La manette d'Xbox One est meilleure que la manette de PS4 selon moi. Là. Oh ben là, t'as un problème. Les joysticks sont slack. Il manque de résistance à mon goût. Ouais, puis moi je trouve que la manette PS4 est trop petite, mais mes petits doigts sont dans le vide. Non, mais ça c'est parce qu'ils vont te vendre l'expansion pour plugger en dessous de la manette, puis tu peux utiliser tes petits doigts pour avoir d'autres pitons. C'est une manette extender, tu sais. Jiggly le trackpad. En fait, si t'as tiens collé sur toi, tu peux jiggler tes nipples pendant que tu joues. Oui, je viens de faire ce son-là. Vous ne pourrez plus jamais le pas entendre. Fait que tout ça pour dire, je pense que là, on a besoin de raison de passer à la nouvelle génération. Puis, comme je dis, je pense que ça s'en vient. C'est juste pas encore là. Puis, c'est encore trop tôt pour le dire. Je pense qu'à court terme, vraiment, finalement, Xbox a gagné leur pari. Ouais, totalement. Côté exclu, côté jeu intéressant, là, maintenant, c'est Xbox qui l'a. PS4, c'est un long shot. Faut que tu fasses un leap of faith ou que tu attendes. Non, c'est ça. Faut que tu vois à long terme. C'est sûr que si tu regardes justement ce qui a été présenté au E3, c'est sûr que Last Guardian, ça peut être intéressant. C'est sûr que Horizon, je sais plus c'est quoi son nom complet. Zero Dawn. Ouais, quelque chose. Ouais, Zero Dawn, je pense. Un nom qui veut-tu rien dire? Ouais, exactement. Où est-ce que sont les dinosaures dans Horizon Zero Dawn? Excusez. Mais ça a l'air bien beau, là, pis bien fun, mais tu sais, c'est ça. On n'a pas de date, c'est pas clair, pis. Des affaires comme Shenmue 3 que c'est pas clair. C'est pas fait, ça. C'est ça. Tu sais, c'est comme, ouais, mais on sait pas ce qui va se passer. Fait que je pense que, tu sais, pour Final là, 15. C'est sûr que Final 15, c'est le prochain gros morceau qui va être un console seller, c'est sûr, certain. Je sais pas s'il y a un autre gros morceau qui va être avant ça. Non, mais tu sais, encore là, tu sais, avant, un nouveau Final sortait, ça faisait vendre des PlayStation. Oh oui, oh oui. À Star, c'est comme, ben, il est sur Xbox One. Ou tu sais, c'était sur. Ou même avec 13, ouais. Les derniers 13, c'était sur Xbox 360. Le 15 aussi, il me semble qu'il est multi-console. Ouais, il me semble qu'il sort en premier sur PlayStation. Peut-être. Ça sert à vérifier. Il y a peut-être une exclusivité. Je pense qu'une couple de mois, ouais, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, rendu là, c'est comme, ben, finalement, ça fait plus vendre une console. Ça va faire vendre les deux consoles, ça, c'est sûr. Mais tu sais, c'est plus une raison d'acheter un PlayStation, tu sais. Je m'ennuie du temps que les jeux étaient uniconsole. Ouais, mais il y avait quelque chose là-dedans de genre d'un peu de fanboyisme, de dire, tu sais, ok, mais moi j'aime ma console à cause de tel jeu. À Star, c'est raison. C'est ça. Ouais. À Star, il y en a plus de temps, tu sais. Les jeux, ils sortent pas mal sur tout. Sinon, t'as une couple d'exclusivité, oui, par studio, mais je veux dire, oui, ok. C'est quoi les services que la console va offrir? Tu sais, tu regardes Xbox One versus PS4, ben Xbox, ils ont plus de. ils ont des meilleures ententes, je pense, de diffusion avec les ben, sports professionnels. Au Canada, on s'en fout. Ouais, ça, au Canada, il n'y a rien qui marche avec ça. Fait que exactement. Ça, c'est le bout triste. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un aux States qui veut genre une boîte qui fait tout, une Xbox One, c'est parfait. La Xbox One, t'as sac là, puis tu sais, elle va faire ta cable box, ça va faire ton Netflix, ça va faire. Tes ailes de poulet, me semble. Me semble. Je pense que c'est dans le prochain firmware update, là. Il va faire tes ailes de poulet. Puis l'autre d'après, ça va être les bâtonnets de fromage, oh, tu vois. Oh, cheese-stick, Xbox. Parce que moi, j'attends la console qui fait la vaisselle. Ouais, celle-là, elle est pas prête encore. La Nintendo NX, peut-être. Ouais, c'est ça. Elle va faire ta vaisselle, pis si t'es chanceux le soir, tu vas peut-être get lucky, là, tu sais, c'est... Un peu comme dans le vidéoclip de Beck, là, c'est... Ah, peut-être, ça fait longtemps que j'ai pas écouté de vidéoclip de Beck, là. Tu sais, moi, après Loser, là... Beck est-tu à la même place que Michael Culkin? Non, mais je pense qu'il fait encore du stock, Beck. Il est scientologue, fait qu'il doit encore faire du stock. Il a sorti un album récemment qui a gagné un Grammy pour meilleur album de l'année. Où ça? Au Grammy? Dit. Ouais, au Grammy. Tu sais, ouais, le gars-là qui veut rien dire. Tu sais, l'affaire que même des Simpsons, ils niaisent, là. Tu sais, quand Homer gagne un Grammy, puis il le pitch en bas, puis quelqu'un fait comme « Hey, un Grammy! » Non, fait comme « Hey, un trophée! » Ah, oh, c'est juste un Grammy, puis il leur pitch. Ouais. C'est ce que ça vaut. Parenthèse, là, une chance que Beck a gagné, parce que le gars il a vraiment travaillé fort sur son album, il a tout composé, il a tout produit, versus Beyoncé, là, qui a comme 12 producteurs, puis 12 writers. Ouais, Girls Will Run the World, là, parce que c'est comme ça, littéralement, les lyrics pendant 4 minutes de temps. Ouais, fait que, fermeture de la parenthèse. Et de l'autre, probablement, parenthèse qu'il y avait avant aussi. Mais il est 6h. Oh, bout de bord, toi. Ouais, va falloir rapper ça. Je pense qu'on peut faire un genre de dernière gorgée. Ouais, dernière gorgée de cette inédite, qui était une édition inédite de la barrique numérique. Aussi. Une édition qui dure deux fois le temps que ça dure normalement, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, ben c'est ça qu'on avait fait au dernier spécial de Noël aussi. Ben c'est ça, tu sais, quand t'as Poelman, tu peux pas le laisser aller de même. Tu peux pas juste lui donner 45 minutes. Faut que tu lui donnes un full-on 80 au moins. Faut que tu sautes dessus, que tu y mettes les menottes, puis que tu te dises, tu t'en vas pas. Non, c'est ça. Tu sais, pour le peu de fois d'ailleurs, que ça on a perdu la clé. Ils m'ont mis plein de bière dans la gueule. Ils m'ont saoulé pour être facile. Ils ont fait comme Bill Cosby. Oh! All right. Hey, j'aime ça. On a parti quelques controverses nouvelles. Oh my God. Yes. Fait que bon, cette inédite de Saint-Arnoul est bien bonne, ben dunkle, puis est un petit peu amère, est moins caramélisée que ce que je m'attendais. Mais plus qu'elle sache qu'est-ce qu'elle veut. Ça. Ouais. Honnêtement, je peux pas dire que je suis déçu, parce que j'avais pas nécessairement d'attente, parce que je connaissais pas la bière. Mais non, c'est ça, on dirait qu'elle a pas de personnalité tant que ça. T'sais, on dirait qu'elle essaye d'être des affaires, puis elle aboutit pas dans sa quête d'identité. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Je vais mettre sur une tape pareil, tu sais, c'est pas le choix. On met toi une tape, on le sait. Hein. Arrête, c'est le seul qui tosse les affaires du monde. C'est parce qu'il y a un badge qui vient avec. Oh! C'est pour ça que j'ai commencé à les linker sur Twitter aussi. Il y a un badge qui vient sur avec. Sur Facebook. Non, Twitter, ça marche. Ah, t'es mis sur Twitter aussi? On en reparlera, mais oui, ouais, ça se link ensemble. Non, je sais, mais je suis avec tes amis sur Facebook aussi. Fait que, tu peux faire les deux, tu choisis. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y en a un autre qui a une abeille. Abonnez-vous à Untapped pour. Ouais, Untapped, ouais. Vous pouvez nous suivre. Moi, c'est Café Nick, toujours. Ouais, ouais. Puis moi, je vous dirai pas mon nom parce que je vais rester anonyme encore. Ouais, lui, il a toujours pas voulu révéler son identité. C'est un coquin. Ce qui est une très bonne chose. Il porte un masque de clown en ce moment. Ouais. on a jamais vu sa vraie face. J'ai jamais vu affaire à ton frère, dans le fond. Ah non, jamais. Ma mère, elle nous a séparés à naissance. Elle y a mis un masque tout de suite sur la tête. C'est bien. On a même pas le même père. Non, c'est ça. Puis c'était bien louche. T'sais. Il parlait là, de trucs de démons. Puis d'affaires, là, en tout cas. Tout ce que je sais, c'est qu'une cicatrice, c'est une fesse. Puis faut pas y toucher. À partir de là. Il y a là, un portail qui s'ouvre. On dira pas où. Si tu touches à ça, il y a un portail qui s'ouvre dans Shed. Puis. La dernière fois que c'est arrivé, là, les vaches s'en sont pas remis. Et de l'autre côté du portail, il y a une jument qui t'attend, puis crée-moi, elle est pas facile. Elle est pas ce qu'elle a été. Oh non. Oh. En fait, elle a jamais été. Elle a jamais été ce qu'elle aurait pu être. Fait qu'on va rapper ça. On saura jamais ce que Nick veut jouer à mais c'est pas... Ah, à quoi tu veux jouer, toi? Ben non, mais là, c'est correct. On est à la fin, puis tu sais, on rappera ça de même. Pis... Ça va être un mystère. Je vous dis pas à quoi j'ai goût de jouer. Ah! C'est plate, hein? C'est plate de même. Avoir ça, on aurait pu s'en servir pour mousser les ventes de l'épisode. Là. Mais non, non, mais tu vois... Le trailer, sachez ce que Nick va jouer, hein? Je me suis trompé, Gaétan, Gaétan! Oh non, oh non! Gilles, j'ai vu, je te fais! Hermine et Gilles, je pense. Un petit rappel des bières qu'on a bu, c'était l'étape du fort du naufrageur. Après ça, c'était le cœur noir de Beauce, qui vient de l'Ontario, et l'inédite de Saint-Arnaud. T'as-tu dit ton tap, toi? Je me rappelle pas si tu l'as dit. Moi, je pense que c'est poil underscore men. Je suis sûr, c'est j'ai fait ça le soir de boisson. Ouais, c'est ça. Mon nickname, il tout croche. Mais semble que c'est ça. C'est poil underscore men. Donc, vous pouvez nous rejoindre, nous, à la Barrique Numérique, sur notre page Facebook. Sur les Twitter, sur les Facebook, Twitter. Sur tout, finalement. Sur à peu près tout. On est juste pas sur YouPorn encore. Ça s'en vient, on y travaille, on a quelques vidéos on the way. La porno de bouteille de bière, c'est pas facile à filmer, mais non, on va finir par trouver notre filon. Mais il y a un marché, ça, on s'en a fait dire des études de marché, puis c'est bien prometteur. Puis, très facilement. Je pense que Poilman est d'ailleurs un des premiers à avoir vraiment trippé sur nos vidéos. M'en rappelle que... C'est pour ça qu'on t'a fait boire de la bière avant. on a un Tumblr, il y a pas grand chose dessus. Ouais, mais ça ouais, il est dur à trouver, j'ai essayé de le trouver l'autre fois. C'est pas clair là, mais c'est mieux ça dans c'est le genre d'affaires que tu sais qu'on a créé là quand on a créé nos affaires là ben 2 ans. Puis on a jamais vraiment fait la promotion plus qu'il faut. La seule chose qui se retrouve dessus, c'est un texte de moi et ton dessin d'aubergine. C'est comme notre channel affaires. YouTube qui a rien dessus finalement. C'est ça. Fait que... Mais il existe. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez. On va peut-être mettre de quoi un jour, parce que j'aurai une caméra qui filme plus que 30 minutes. Et voilà. Et puis, ben, on aimerait vous rappeler qu'on vous remercie d'avoir pesé sur Start. Puis, si vous pesez sur Pause et que vous pesez sur Continue, vous allez nous revoir la prochaine fois. À la prochaine. À la prochaine. Ah oui, puis on aimerait ça remercier Poilman d'avoir été dans les studios avec nous aussi. Ouais! Vous aime, all right! Des bisous dans le coup, peut-être.